d'être avec nous. Bonjour et bienvenue sur Énergie. 17h, dernier jour de la semaine, c'est vendredi, donc vous êtes nombreux à être dans la voiture, en rentrant chez vous à la maison, en rentrant assez vite, en disant vite que je rentre à la maison. Eh bien non, je commencerai cette émission par cette info: ne rentrez pas trop vite. Je voudrais avoir une pensée pour cet automobiliste du nord de la France, à côté de Dunkerque, qui a été chopé par la police à 174 km/h. Oh la vache. Est-ce que vous savez pourquoi? Ben, ceux qui savent, je vous demande de se taire. Ceux qui savent pas, vous pouvez imaginer. Il avait bu? Non. Non, vraiment, en théorie, non. Un trafiquant? Non. À l'évidence, il était pressé. Il était pressé. Il avait... L'accélérateur était bloqué. Ah non. C'est un policier qui avait rendez-vous au bistrot. Non. Ben non, ils ont des recherches dans le coffre. Ah ouais. Sa femme allait accoucher. Non. Ah ouais. Non, parce que c'est vrai que la police aurait pu être indulgente, mais non. Ils sont pas indulgents pour autant. Mais bon, le juge peut l'être. Oui. Il y avait un programme télé qui voulait pas rater. Non. Ah, je peux pas le dire. De la bouffe, c'est de la bouffe. Je vous aide. C'est de la bouffe. Ouais. Il attendait. Qu'est-ce qu'on achète généralement et qu'on veut manger à la maison quand c'est encore chaud? Le McDo. Le gars, il est allé prendre son McDo. Il est rentré à 174 km/h. Et les gars lui ont dit: pourquoi vous allez vite? Bah, je rentre vite, assis dans le McDo, il est froid. Ah bah ouais. Les frites froides, c'est pas bon. Hein. Les gars, ils lui ont dit: bah, vous aurez plus de permis. Bah oui, mais j'ai mangé chaud. Donc ils ont dû le laisser sur le bord de la route à manger sans. Bah c'est quoi? Je préfère plus avoir de permis et manger chaud que de l'avoir encore et de manger froid. J'ai le sens des priorités. Non mais le pire c'est pas ça, c'est que le gars il a dû checker son truc, son McDo, sa boisson. Il a dû se dire: hey, t'as pas oublié les pailles, hein, je vérifie. Hop, les pailles, les sauces, il s'est dit: c'est une bonne journée, je suis béni des dieux, j'ai tout. Il y a tout. J'ai tout, ce qui arrive quasiment jamais. Oui. J'ai tout. Et allez, bam! Radar. Police. Non voilà, allez-y doucement si vous nous écoutez, bienvenue. Et merci d'être super nombreux à nous écouter. Je m'appelle Coé, nous vous rendez-vous depuis la fin de. Depuis fin août. Oui. Toute l'équipe est là, je vous les présente dans un instant. Ce soir, ça va être un beau vendredi. Nous aurons plein de choses. Je ferai le tirage au sort pour savoir qui va aller faire un tour au Energy Music Award le week-end du 11 novembre. Oui, du 9-10. C'est novembre. Novembre, oui. Du 9-10 novembre, c'est ça. Nous serons là-bas, nous, le vendredi, pour une émission spéciale. Il faut que vous veniez en bas des marches à Cannes. Vous verrez toutes vos stars. Eh bien, si vous aurez les invitations, l'hôtel, le transport, l'hébergement, d'abord avec le double hit pour y aller dès qu'il y a le double hit d'Ariana Grande, ça continue toujours? Oui, toujours. Voilà. Et en plus, si je fais le tirage au sort de tous ceux qui ont gagné le Laser Game Evolution dans la semaine, et on saura tout à l'heure qui va aller faire un tour là-bas. C'est ça? C'est ça. Oh là, c'est bien. Dès 18h, l'émission en public. Tout à l'heure, je vous offre peut-être 10 000 euros avec le cash-cash. Je vous préviens, j'ai mis une deuxième enveloppe à 10 000 euros. Ah. Ça nous fait deux enveloppes à 10 000. Une à 50, une à 1000, une à 200, une à 500. 7, 10, 12 par SMS. Mettez Coé au début de votre message. Envoyez vite vos SMS. Tout à l'heure, c'est peut-être vous que j'appelle pour vous offrir, je l'espère, et je croise les doigts, 10 000 euros. Nous aurons les champions du monde de l'actu dans un instant. Le Zap Télé de Miko avec des camarades de radio. Nous les salurons. Là aussi, quand ça merde, ça merde. Quand ça veut pas, quand ça veut pas, ça veut pas. Ah ben là, ça veut pas. Et là, ça voudra pas. Hein. Nous aurons l'appel, et je vais l'appeler comme ça, et nous l'appellerons d'ici 20 minutes. Celui que j'ai appelé le boulanger et son coup de pelle. Puisque c'est dans l'actu, je vous en parlerai tout à l'heure. Il y a un mec qui est venu cambrioler un boulanger. Pas de chance, il avait sa pelle à pain. Bam! Allez, on y va, rentre chez toi. Et le gars, il est parti en courant. Nous aurons tout à l'heure le boulanger en ligne. C'est pas une blague, nous l'aurons. Alors, on parlera d'un dealer qui a décidé de faire une occupation supplémentaire, une forme de remerciement pour ses clients. Bon, c'est interdit, c'est fait gauler de toute façon, je vous expliquerai tout ça. Didier Deschamps au téléphone qui nous parlera de ce match de foot de merde d'hier. Ouais. Oh, pardon, parce qu'on a fini égalité que c'était un beau match. Merde, pas passionné. Non, c'était lent. Il y a un moment donné, j'avais l'impression de voir un match de Platini en 82 où les mecs, au bout de 20 minutes, ils étaient morts, ils couraient au ralenti. Ouais. Non, ils avaient quoi, les gars, hier? La deuxième étoile, elle pèse 12 kilos ou quoi sur le maillot? Ils sont fatigués. Oh là là, moi je vous préviens, moi je fais partie des gros cons qui savent pas courir plus de 2 mètres mais qui gueulent quand les gens vont pas vite. Hein. Je le dis, je suis incapable de faire ce qu'ils font, mais je veux du spectacle. Les haters du football. Et hier, il y en avait pas. Nous aurons Didier Deschamps tout à l'heure pour lui dire la compile récap de la semaine, vos messages des réseaux sociaux avec évidemment le meilleur hater, ce qui est à l'intérieur. Nous aurons les petits mots de voisins, vous savez, tous ceux que vous voyez dans vos cages d'escalier si vous habitez en immeuble. Nous aurons l'appel promo à 18h et donc pas mal de surprises. Ça va être une belle émission. Oui. Ça va être une très très belle émission. Ça sent bon, ça sent bon. Présentation de l'équipe. Ouais. Allez. Il est comme mon fils. C'est-à-dire que je passe mon temps à l'engueuler quand il fait des conneries. Et croyez-moi, je l'engueule souvent. Mais je l'adore. C'est mon réalisateur, c'est Bichette. Allez, viens, mon Bichette. Bonsoir. Salut, mon Bichette. On se connaît depuis tellement longtemps qu'il m'a connu avec des cheveux et des t-shirts Waikiki. Ou des Gaston Lagaffe marqués Mouarf, qu'est-ce que c'est dur de se lever. À l'époque, il se nourrissait de Tritz et de Raider. Il a arrêté de se nourrir quand les marques ont disparu. Ça l'empêche pas de se nourrir de Pépito. Ah, survival. Ça fait longtemps qu'on bosse ensemble, c'est mon Miko qui est là. Bonsoir. Salut mon Miko. Bonsoir. C'est la seule fille de l'équipe, c'est bizarre. C'est elle qui est la plus grosse paire de... Bon, respect pour elle. C'est Mastouf qui est avec nous. Bonsoir. C'est Mastouf. Ça va. Ça va bien. Elles sont grosses. Ça n'est pas une blague. Lui, c'est mon ancien beau-frère. Vous ne le saviez peut-être pas, mais c'est vrai, Jeff, c'est mon ancien beau-frère. Eh oui. C'est vrai. C'est pour ça que j'ai été obligé de l'embaucher à l'époque. Et c'est vrai. Et c'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Et puis, il a divorcé et ma femme m'a demandé de choisir entre lui ou elle. Et j'ai choisi. Mais putain, ça m'a coûté cher, c'est Jeff. C'est vrai. Tout. Il est le président de l'association des rouquins community managers de France. Oui, c'est précis. En même temps, c'est le seul à en faire partie. C'est mon Bordas. Bienvenue, mon Bordas. Bienvenue, tout le monde. Le hashtag, je vous le balancerai dans un instant. J'espère que vous passerez un bon moment avec nous. On a plein de surprises. Champion du monde de lectu dans 3 minutes après Georges Ezra. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road. Gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. South of the equator, navigator, gotta hit the road, gotta hit the road. Deep sea diving round the clock, bikini bottoms, lager toes. Get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath. Two in the front, two in the back, sailing along, and we don't look back. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. C'est le Bifort sur Énergie. Merci d'être avec nous dans un instant. Il y aura pas mal de surprises. Nous aurons donc ce boulanger spécialiste du coup de pelle. C'est comme ça. C'est pas bien. Tu veux une chocolatine? Non, pas un chocolat. Bam! Je rappellerai qu'on nous aurons dans un instant aussi la possibilité de vous offrir 10 000 euros avec le cash-cash. Deux enveloppes de 10 000 aujourd'hui. Donc 7, 10, 12 par SMS. Mettez Koé au début de votre message. Didier Deschamps qui viendra réagir à ce qui s'est passé hier au match de foot. Il nous dira s'ils ont bien joué, s'ils n'ont pas bien joué. Et je vous donnerai des chiffres sexe du jour. Sondage fait auprès des femmes. Ah, avec okay. Un chiffre surprenant. Sur le nombre de femmes qui font l'amour tous les jours en France. Tous les jours. J'ai le pourcentage. Oui, tous les jours. Il n'y a rien d'exceptionnel. J'ai pas dit non plus pendant 4 heures. Oui, tous les jours. Il y a des gens qui font l'amour tous les jours. T'as entendu comment elle a dit, Stouff? Stouff, je sais que pour toi, on parle d'un temps que les moins de 20 ans peuvent pas connaître, mais. Dédicace. Mais franchement, il y a des gens qui font l'amour tous les jours, oui. D'accord, c'est... tous les jours. C'est bien. Hein. Alors, comment elle a dit? Comment c'est sorti d'un coup? Tous les jours. Mais comment ils font? C'est pas une légende comme le Dahu. Non. Voici les champions du monde de l'actu. J'en ai deux aujourd'hui. Le premier champion du monde est aux USA. Après son dîner au resto, il laisse un pourboire de 1000 euros pour une note de 60 euros. Alors là, la patronne se dit c'est génial, je vais répartir ça dans toutes mes serveuses. Et puis quand même, elle se dit il y a peut-être un petit souci, c'est bizarre. Je vais garder l'argent avant de le redistribuer. Effectivement, le client est revenu le lendemain. Il a dit qu'il était complètement bourré la veille au soir et qu'il avait confondu les coupures de 1 avec des coupures de 100. Donc il a repris sa thune. Mais il a quand même laissé 40 dollars de pourboire, ce qui est quand même beaucoup par rapport aux 60. Ça va. Oui, c'est, ça va. C'est ça le problème avec l'alcool. Je vous le dis, si vous comptez sortir ce week-end, déboire. Voilà, c'est le problème. Tu confonds tout, les billets, les amis, les additions, ta femme, une autre. Oui. Mais oui, mais je le dis, mais c'est l'alcool, bien sûr. Mais je dis pour les couples qui nous écoutent en voiture, c'est l'alcool, bien sûr, c'est moche. Voilà les gars, je viens de vous donner la raison. Si vous faites tomber ce week-end, vous saurez quoi dire. Super champion du monde de toutes catégories, les Américains, ils ont dépensé pour leur nouvel avion militaire, le F-35, 400 milliards de dollars. Vous ne rêvez pas. 400 milliards de dollars seulement. Et sur après un rapport de cybersécurité, l'avion n'est pas sécurisé du tout. Par exemple, écoutez-moi bien, sur plusieurs systèmes d'armement, ils utilisent des logiciels commerciaux que vous avez sur Internet avec un mot de passe défini par défaut. Donc, que vous pouvez trouver sur le web. Une équipe de deux gamins a obtenu un accès à leur système d'armement en une heure. Extrêmement rassurant, hein. Tout va bien. Une journée a été nécessaire pour accéder à l'écran des militaires en temps réel. Et pour se marrer, ils ont même été jusqu'à faire apparaître une fenêtre sur les ordinateurs du Pentagone où il y avait écrit de mettre des pièces de monnaie pour continuer à les utiliser. Et là, les gars se sont dit, on a peut-être un petit. Ouais, c'est pas sûr. S'imaginer les mecs dans l'avion en plein combat. Excusez-moi, général. Ouais, l'ordinateur de bord, avion furtif, me demande de passer sur des champignons et d'éviter des bananes qui me lancent un plombier moustachu avant d'aller bombarder l'Afghanistan. Je fais quoi? J'appuie là-dessus? Ok, ça change tout. Merci, général. C'est réglé, j'ai eu les champignons. C'est bon, c'est pas de problème. On est rassurés. Oui. Et les mecs, ils ont l'arme atomique. On est rassurés. Tout va bien. Bienvenue sur Énergie. Merci d'être avec nous. C'est vendredi. C'est le Bifort. Ma maman dit la vie n'est pas facile, mais plus facile avec un grand sourire. Donc je souris quand j'ai mal à la vie, car ma maman dit qu'il y a toujours plus maudit. Elle m'a dit donne ça, s'attendre à merci. Vis ta vie comme une jeunesse infinie, tends toujours la main aux plus démunis. Avant d'être important, sois un homme utile. Elle m'a dit aussi qu'ici tout est fragile. Si tout s'écroule, tu reconstruis, c'est comme ça la vie. Oui, combien de douleurs indélébiles, combien au paradis. On vit avec cette mélancolie, c'est comme ça la vie. Maman m'a dit danse, danse à la vie, à l'amour. Danse, danse à la vie, à l'amour. Danse, danse à la vie, à l'amour. Danse, danse. Ma maman qui t'a jamais oublié. D'où je venais, mais surtout qui j'étais. On avait peu, mais on savait donner. Elle m'a toujours dit, chez nous, l'accueil est inné. Sauf que tu es, te laisse pas colorier. Beaucoup sont morts pour cette liberté. Ne salis pas tout ce qu'on a sué, mais surtout ne te fais pas marcher sur les pieds. Ma maman m'a dit, le monde, il est fêlé. Change avec ton humanité, c'est comme ça la vie. Oui, offre le monde à ta moitié et à tes héritiers. Offre ta vie entière à les aimer, c'est comme ça la vie. Ma maman m'a dit, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï. À la vie, à l'amour. J'adore ce titre de Soprano. Le hashtag de ce soir, justement, Soprano, il est dans The Voice Kids, si je dis pas de bêtises. Exactement. Lancement de The Voice Kids ce soir et le hashtag du jour avec lequel vous allez pouvoir vous amuser sur Twitter. Il n'y a que les enfants pour... C'est exactement. Ça, hein. C'est ça. Voilà, moi je peux mettre, il n'y a que les enfants pour tourner autour de votre table pendant deux heures quand vous êtes en train de bouffer au resto. C'est bien, et puis jamais les vôtres, hein. Toujours ceux de la table d'à côté, tu sais, là où les gens disent, on l'a toujours entendu cette phrase, allez jouer plus loin. Ah ouais, hein, ah bah sauf, ouais, que, ouais. Sauf que plus loin, il y a toi. C'est chez toi en fait. Ah oui, c'est vrai. Je dédiais une dame la dernière fois, je dis, je suis plus loin madame, ça m'arrange pas. Parce que je suis là où vous avez dit plus loin. Vous pouvez m'indiquer un plus loin de l'autre côté. Parce que là, ça me gêne vraiment. Donc le hashtag, il n'y a que les enfants pour, mais pour l'instant, je vous l'avais promis, petit chiffre d'amour avant d'avoir notre ami Boulanger en ligne. C'est très rapide, 4% des femmes le font.

don't mind. I made no promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything. Tonight. Tonight. C'est Coé. C'est fort sur Énergie. Bienvenue sur Énergie, tout le monde. Je rappelle le hashtag de ce soir pour filer un coup de main au lancement de The Voice Kids. Spécial enfant, hashtag, il n'y a que les enfants pour. Vous allez, je suis sûr que celui-là, vous allez nous le mettre dans les premiers des TT France ce soir encore une fois. On en fait un petit vite fait. Il y a Laura qui dit, il n'y a que les enfants pour demander à maman pourquoi elle a crié toute la nuit quand tu es à la caisse du supermarché. Oui, c'est vrai qu'ils le demandent toujours à ce moment-là. À la caisse, oui. Ouais, tu as raison. Dans un instant, nous aurons Didier Deschamps en ligne. Dans un instant, le Zap Télé de Mico. Je vais vous parler d'une bière au cassoulet qui va sortir. Vous ne rêvez pas, c'est pas bière et cassoulet, c'est une bière au cassoulet. C'est compact, c'est frais, c'est diététique, c'est pas 5 fruits et légumes par jour. Oh là là, t'as fait rêver Jeff là. Oh, j'ai distribué deux enveloppes de 10 000 euros à toute l'équipe. Une enveloppe de 50, une de 500, une de 1000, une de 200. Si jamais Julien, que je suis en train d'appeler, qui s'est inscrit au 7-10-12, trouve la bonne enveloppe, il peut gagner beaucoup de sous. Julien ! Allô ? Comment ça va, Julien ? C'est Coé. Salut Coé. Salut Juju. Comment ça va ? Julien, bienvenue sur Énergie. T'es en forme, Julien ? Ouais, carrément. Est-ce que t'as passé une belle journée ? Est-ce que t'es heureux ? Ouais, nickel. Est-ce que t'as une chérie ? En plus, maintenant. Oui. Bon, comment elle s'appelle ? Jennifer. Depuis longtemps ? 10 ans. Est-ce que tu... Ah, 10 oui, ans, 10 elle ans. Elle s'appelle Jennifer depuis longtemps. 10 ans, non, mais je me doute bien qu'elle s'appelle. Est-ce que... C'est vrai qu'il aurait pu me répondre ça. Jennifer depuis longtemps, depuis le début, connard. Enfin, réfléchis. Oh, il est bête cet animateur, il est idiot. Donc 10 ans, c'est bien. Tu as été fidèle pendant 10 ans ? Bah, bien sûr. Voilà. Je te reposerai la question quand on sera seul un jour. Ouais. Voilà, reste avec... En tout cas, Julien, il y a de l'argent à gagner. Trouve-moi l'enveloppe de Stouff, la mienne, Jeff. Bichette, le réalisateur, Bordas ou Mico, je te souhaite bon courage à toi. Stouff. Allez, Stouff. Allez. On dirait qu'elle dit ça. Allez. On dirait qu'elle va faire chauffer des frites dans un cas. Allez. C'est ma tournée. En se remontant les manches. Allez. C'est parti. Ouais, écoute, moi je trouve que c'est pas mal. Ah quoi, c'est 500 euros. Ah oui, si, c'est bien. Cool. C'est vachement bien. Ah, c'est bien, 500. Ah ouais. Julien, tu invites ta chérie Jennifer au restaurant pour nous. Tu fais ce que tu veux, tu payes une facture, tu fais ce que tu veux, tu gagnes 500 euros. Ouais, merci, merci beaucoup. Stop, trop bien. Bisous, moi, Julien, je t'embrasse fort. Bon week-end. Merci beaucoup. Bon, merci, au revoir. T'as des enfants ? T'as des enfants ? Ouais. Combien ? Nouveau papa, un. Un, comment il s'appelle ? Milan. Quel âge ? 5 mois. Oh là là, courage. C'est que le début. Oh, c'est que le début. Oh là là. C'est trop mignon. Oh là là. Bon courage. T'es parti pour une série d'emmerdes. Mais non. Mais si, je lui dis. C'est du bonheur. Non, trop tard, il peut pas le rendre. C'est trop tard. C'est trop tard. Bisous, je t'embrasse fort, mon Julien. Ciao. Merci. C'est Coé. C'est le Bifort sur Énergie. Comment puis-je oublier ce coin de paradis, ce petit bout de terre où vit encore mon père. Comment pourrais-je faire pour me séparer d'elle? Oublier qu'on est frères, belle Corrèze charnelle. Oublier ce matin que tu es parisien, que t'as de l'eau dans le vin, que tu es parti loin. Ce n'était pas ma faute, on joue des fausses notes, on se trompe de chemin et on a du chagrin. On se joue tout un drame, on a des vagues à l'âme. Tu as du mal au cœur, tu as peur du bonheur. Acheter des tableaux et des vaches en photo, c'est tout ce que t'as trouvé pour te la rappeler. Vous me trouvez un peu con, n'aimez pas ma chanson, vous me croyez bizarre, un peu patriotard. Le fruit de ma réflexion ne touchera personne, si vos pas ne résonnent jamais dans ma région. C'est pire qu'une religion, au-delà d'une confession. Je l'aime à en mourir pour le meilleur et pour le pire. Je monte au ciel, y aura peut-être Joël, Guillaume et Jérémy et mon cousin Pidri. Johan sera en voyage dans un autre pays. Allez, fais tes bagages, viens rejoindre tes amis. On veut du Claudie Musette à en perdre la tête. On veut un dernier Chabrol, un petit coup de Attention au traquenard, il a une équipe débile. Je t'aime. Soyez sûr, j'en suis fier. J'ai la Corrèze en cathéter. D'être avec vous ce soir. J'ai le cœur qui pétille. Mimi, serre-nous à boire. On a les yeux qui brillent. Les amis, je suis très content pour eux puisque visiblement ils sont donc arrivés numéro 1 des ventes d'albums directement. Oui. Trois cafés gourmands. Tremble, oui. Maître Gims. La Corrèze arrive. Attention. Non mais je suis très content pour eux. Est-ce qu'on y a contribué un petit peu? Oh oui. Légèrement mais un peu. Je suis ravi pour eux. Je vous une petite info avant le zap télé de Mico, oui. La bière au cassoulet, comme je vous disais, arrive. C'est trois brasseurs qui ont décidé de mélanger la bière avec du jus de viande, oh. Avec du canard, du cochon et une garniture aromatique, oh, non, les mecs ils le disent. On fait réduire une semaine, on garde le goût, pas le gras. Ah non. Non Jeff, tu vas être déçu, il n'y a pas le gras. Et ah, donc merde. C'est le mélange de la bière. Non, non, ouais, la... ouais, je suis pas fan de la bière. Mais faut essayer. Bière et cassoulet, c'est la bière au cassoulet. Bière et cassoulet. Bière au cassoulet. D'accord. Mais t'as les deux. T'as les deux. T'as une bière qui a un goût de cassoulet. À boire et à manger. Mais ils peuvent pas en envoyer qu'on essaye. Non, pas forcément. Les amis, ce qui est fabuleux surtout, c'est quand ils pensent, c'est que la bière, ça fait gonfler, le cassoulet, ça fait péter. Tu mets les deux. Ah bah avec un P, tu deviens Iron Man. Mais alors là, tu traverses le plafond. Tu es parti, chérie. Tu n'as pas pris ton dessert. Allez, les zap télé de Mico, il y avait quoi? Dans le zap aujourd'hui, on a Jean-Jacques Bourdin. Répondez. Pas du tout content à cause des bugs à répétition qu'il y a sur sa chaîne, le pauvre. C'est dur ce matin. Je vous le dis tout de suite, c'est dur. Il arrivera un moment où on ne pourra plus supporter les problèmes techniques en permanence. Hein, parce que nerveusement, ça devient très difficile. Et moi, je vais vous dire tout simplement, ça continue, j'arrête immédiatement. Je le dis publiquement, j'arrête immédiatement cette antenne. Je ne ferai que de la radio, je ferai plus de télévision. Que les choses soient très claires. J'espère que tout le monde m'entend dans la maison. Ah oui, quand pas même. Content. Alors ça, c'était un il matin. Fait une émission le matin, c'est Jean-Jacques Bourdin. Moi, j'ai beaucoup de respect pour Jean-Jacques Bourdin. En même temps, c'est pas si mal que ça parce que. C'est dur ce matin. Je vous le dis. C'est dur, bah il y en a. Vous plaignez pas, monsieur Bourdin, il y en a pour qui c'est plus dur. Moi, je suis beaucoup de respect pour lui, j'adore. C'est un nouveau studio télé qui. Répondez. C'est un nouveau studio télé, ouais. Ça a merdé hier, ça a remerdé ce matin. C'est ça, ah, oui. Et ce qui est vraiment dommage parce que la semaine avait bien commencé comme je l'avais dit. Elodie, bon. Il avait eu cette phrase géniale. Vous avez vu, techniquement, c'est absolu. Vous avez vu la qualité de l'image? C'est bien, c'est super. On n'a jamais eu des caméras comme ça en France. Ah oui, bah, c'était marche. Dans le quotidien. Mais elle marche pas. C'était génial. Allez, on finit avec la reprise du jour. C'est la chanson Imagine qui est reprise par Yoko Ono, la femme de John Lennon. Écoutez. Alors, on m'a dit que c'était abominable. C'est horrible. Ah, ok, d'accord. Donc, c'est la femme de John Lennon qui reprend la chanson. Parce que John Lennon aurait 75 ans, c'est ça, 75 ans. Ouais, c'est ça, oui. Et donc, elle a repris la chanson. Ah, on m'a dit que c'était terrible. Je vais me préparer. Je suis prêt. Vous êtes en voiture, préparez-vous. Rangez-vous sur le bord de la route. Je pense que c'est peut-être mieux. On y va. Le clip est dépouillé et la voix tremblante. La voix est dépouillée aussi. Yoko Ono reprend Imagine, le tube qu'elle a écrit avec son ex-compagnon John Lennon. Un cadeau d'anniversaire posthume, le fondateur des Beatles aurait eu 78 ans mardi. Reste que cette version épurée de l'artiste de 85 ans ne plaît pas à tout le monde. Elle l'a tué une deuxième fois. Alors on a oui. Elle l'a retué là. Ah là ouais, une deuxième fois. Ouais. On a l'extrait si tu veux de réécouter. Vas-y. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. On dira un karaoké de merde. Oui. Tu sais quand t'as des gens qui demandent à Johnny Hallyday puis qui te pourrissent allumer le feu. On dirait la dame qui a pris le micro et qui a demandé. Elle a 85 ans, les gars. Mais c'est horrible. Elle n'est pas chanteuse. Elle est fan de chanteuse, elle n'est pas chanteuse elle-même. Moi, quand je fredonne dans mes toilettes, j'en fais pas un disque. Heureusement. Hein. Bienvenue sur Énergie, merci d'être avec nous. Dans 20 minutes, l'émission en public. Le hashtag amusez-vous avec. Il n'y a que les enfants pour. Pour, et on est numéro 3 TT France. C'est bien. J'en attendais un, mais tu nous le diras tout à l'heure. A tout de suite. I still see your shadows in my room.

C'est rien, c'est un stagiaire qui est dans un coin. C'est rien. Borda se démembre. Et son bras. Le hashtag, vite, dans un instant, la compile de l'actu de la semaine. Le hashtag, c'est celui de ce soir, c'est « Il n'y a que les enfants pour ». Et on a Marie qui nous dit balancer un énorme sac de farine dans le salon juste pour jouer à la Reine des Neiges. Oh là là, c'est génial. Un autre, il n'y a que les enfants pour. Il y a Valentin qui nous dit il n'y a que les enfants pour dire qu'une personne n'est pas belle alors qu'elle le pense vraiment. Ah oui, c'est vrai. Ça, moi j'avais eu droit à ça. Elle n'est pas belle, la dame. Elle plaisante, elle plaisante. Ça n'est pas faux, mais tu peux pas le dire. Bon, et puis je parlais tout à l'heure de drogue et grattage. Oui. Je sais pas si vous savez, mais les dealers font des trucs comme les magasins normaux. Ils font des Black Friday, ils font auprès de leurs clients des promotions comme le marketing habituellement. Je vous jure que c'est vrai. Tu sais ça comment? Bah oui, bien sûr. Comment? Comment tu sais? C'est toi qui me l'as dit. Non. Il y a deux minutes. Vous me connaissez. Pas fumé et au minéral. Alors bon. Non, mais c'est pas une blague, je l'avais déjà lu. Et ça continue, écoutez-moi bien. On apprend qu'un jeu de grattage pour fidéliser ses clients, c'est ce qu'avait trouvé un dealer qui a été interpellé à Avignon. Le mec, il a graffé un ticket. Il disait, ça c'est cadeau, vas-y, tu prends. Et peut-être que si t'es millionnaire, ce sera grâce à moi. C'est marrant quand même. C'est interdit, mais c'est marrant. C'est interdit. C'est avec son compagnon de cellule, ça sera pareil. Il aura une chance au grattage et une chance au tirage. Restez avec nous, on est sur Énergie. Merci d'être là, serait-ce Aya Nakamura? Oui, Dja. Dans un instant, la compile de l'actu de la semaine et un peu plus tard en public. Hello papi, mais qui va ça? J'entends des bails à trois sur moi. À ce qui paraît, je te cours après. Mais ça va pas, mais t'es taré. Mais comment ça? Le monde est hyper. Tu croyais quoi? Qu'on se verrait plus jamais. Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit. Y'a pas moyen, dja. J'suis pas ta cata, dja. Genre, en katana, baby, tu dettes ça. Oh, dja. Y'a pas moyen, dja. J'suis pas ta cata, dja. Genre, en katana, baby, tu dettes ça. Tu penses à moi, j'pense à faire de l'argent. J'suis pas ta daronne, j'te fais pas la morale. Tu parles sur moi, y'a air. Crache encore, y'a air. Tu voulais m'avoir, tu savais pas comment faire. Tu jouais un rôle. Le jour où on se croise, faut pas tout faire. Tu jouais le grand frère pour me salir. Tu cherches des problèmes sans faire exprès. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Oh, dja. Y'a pas moyen, dja. J'suis pas ta cata, dja. Genre, en katana, baby, tu dettes ça. Y'a pas moyen, dja. J'suis pas ta cata, dja. Genre, en katana, baby, tu dettes ça. Oh, dja. J'suis pas ta cata, dja, non. Y'a pas moyen, dja, ouais. En katana, baby, tu dettes ça. Oh, dja. J'suis pas ta cata, dja, non. Y'a pas moyen, dja, ouais. En katana, baby, tu dettes ça. D'après toi. En katana, baby, tu dettes ça. On got on a baby to the top. On got on a baby. Oh, dja. Une bise à Aya Nakamura si elle nous écoute. Okacha Baby, tu dettes ça, que elle-même n'avait pas compris. Visiblement, mais on l'embrasse, je sais qu'elle écoute l'émission. Bienvenue. C'est Coé, c'est le Bifort sur Énergie. La compile de la récap de la semaine au niveau des infos. Alors peut-être que vous avez raté des événements, je vous parle de lundi. Panzani rappelle des milliers de paquets de pâtes intoxiquées. Alors vous avez peut-être vu cette info. Ouais. Donc pour ceux qui ont mangé des pâtes intoxiquées, bon bah alors je résume la situation. Et quand une chasse d'eau ne suffit pas, c'est beau, on dirait du Frérot. On dirait du Jérémy. C'est bon. Mardi, on apprend que le remaniement ministériel est décalé à mercredi et à jeudi et à vendredi. Mais ça y est, on a enfin une date. C'était dit rendez-vous dans 10 ans. Même jour, même heure, même pas. C'est vrai, Manu, la prochaine fois, te fais pas chier, dis directement dans 10 ans. Mercredi, on apprend que Geraint Thomas, celui qui avait gagné le Tour de France, s'est fait voler son trophée au Tour de France. Alors à la cool, il a pris son vélo, hop, une petite vitamine, et il est parti à la poursuite de son ravisseur. Doucement, 200 km/h. Hier, les Bleus ont fait un vieux match tout pourri face à l'Islande avec un Florian Thauvin qui a passé son temps à tirer au-dessus du but. Je crois même qu'il y a un ballon qui a atterri à Brest. Une info aujourd'hui, on apprend pourquoi les chats se dirigent toujours vers la personne qui n'aime pas les chats. Vous avez remarqué ça? Moi, je suis pas très fan des chats et ils viennent toujours sur moi. On a l'explication. Lorsqu'ils n'ont pas envie de câlin, les chats vont instinctivement vers une personne qui les laissera tranquille et ne viendra pas les saouler avec des gratte-gratte. Donc, comme ils aiment pas trop ça, ils disent je vais aller le voir lui, il va me pousser sur le côté et je serai tranquille. Alors, je m'adresse à. Eh bien, fuis là, elle te suivra. Restez avec nous, on est sur Énergie dans un instant, l'émission en public. A tout de suite, juste après Maroon 5. Tout va bien, on est vendredi. Dans un instant, ça va faire du bruit. On descend de quelques étages. Maybe I'm barely alive. Maybe you're taking my shit for the last time. Yeah. Maybe I know that I'm drunk. Maybe I know you're the one. Maybe I'm thinking it's better if you drive. Not too long ago, I was dancing for dollars. No, it's really real if I let you be my mama. You don't want a girl like me, I'm too crazy. For every other girl you meet, it's fugazi. I'm sure them other girls were nice enough, but you need someone to spice it up. So who you gonna call? Party, party. Coming right, right up like a Harley, Harley. Why is the best food always forbidden? I'm coming to you now doing 20 over the limit. The red light, stop, stop. I don't play when it comes to my heart, let's get it though. I don't really want a white horse in a carriage. I'm thinking more of white horses and carriage. I need you right here, cause every time you fall, I play with this kitty like you play with your guitar. Yeah. I need a girl like you. The king is back. Get busy, get busy, get busy. Let's go, let's go. Coé, 17h20. Vous êtes prêts? C'est des doigts. Bienvenue tout le monde. Oh, regarde, regarde. Hey, c'est J'espère que vous êtes en forme, c'est l'émission en public qui démarre avec plein de surprises aujourd'hui. You got a world body, man. C'est horrible parce que ils m'ont donné des lunettes de soleil à la Elvis avec les roues flaquettes. Mais c'est chelou les roues flaquettes quand t'as pas de cheveux. Ça fait le mec qui a plus rien là. Mais qui a cheeseburger. Hello, world again, party. Yeah, everybody. Bon, ce soir, oh là là, le public. Hey, le public est beau. Le public est décoré avec, ils ont des casquettes, ils ont des lunettes, parce que ce soir on a dit qu'on aurait un gagnant qui va partir pour 4 personnes grâce à Memphis aux États-Unis sur la route 66. Wow. Est-ce que, bah oui, voilà, là où Jeff et Miko ont fait un concours de bouffe. Oui. Encore une fois, on les remercie, les gars. Et donc nous aurons ça tout à l'heure. Résultat, le studio est décoré Made in America. Yes. J'ai l'impression d'être un. Meeting de Trump, tu sais. Un meeting de Donald Trump. One is getting too far. Je préfère dire un meeting d'Obama si ça vous dérange pas. Ouais. À choisir, je préfère. Bon, ce soir dans l'émission, nous aurons évidemment plein de surprises. Nous allons jouer tous ensemble. Nous allons avoir des surprises aussi pour le public. Eh oui. Vous avez mangé, le public? Non. C'est con pour vous. Ça, c'est dommage. Hein. Voilà, ça, c'est fait. Mais nous, on va bien manger tout à l'heure. On mangera devant vous. Mais je crois qu'il y aura plein de surprises pour le public tout à l'heure. On va vous gaver comme des petites oies. Allez voir, vous repartirez en roulant, mais vous serez content. Vous direz, oh merci Koui. Bon, ok, on aura ça tout à l'heure. On aura, grâce à Laser Game Evolution, la possibilité de vous envoyer peut-être au Energy Music Awards. J'enlève les trucs parce que les roues flaquettes, ça vient chaud. C'était toi. C'était moi. Je t'ai pas connu. Ah, t'as cru que c'était vraiment oui. Ah, non, c'était moi. Bon, je lis quoi? On aura les plus beaux messages des voisins. Ça, faut que je vous en lise quelques-uns. Ah, oui, la suite. Parce que c'est magique. On en a des, vrais, très, hein. Très beaux. C'est des vrais de vrais. Ah, oui, ouais. Il a raison, Miko. Mais j'ai aussi les messages laissés par tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Vous êtes plus de 10 millions à me suivre sur tous les réseaux sociaux, tout confondu. Merci de nous suivre de plus en plus nombreux. Je vous en lis quelques-uns. Allez. Message pour Bichette de Manuela Le Calvez, qu'on embrasse. Ouais. Bonsoir l'équipe, je vous écoute en ce moment avec mon copain qui connaît personnellement Bichette. Oula. Donc on lui passe un bonjour de la part de Alan de Lokemo. Ah oui. Non, oui. Tu m'as fait un oui poli. Ça fait déjà quelques temps. Je joue au tennis avec lui. Voilà. Qui a joué au tennis pendant des années avec Bichette? Nous avons regardé les photos souvenirs hier soir. Mais Alan pense que ce Bichette ne se souviendra pas de lui. Si. Je lui fais un bisou. Je me souviens de lui. Voilà. Comment il est physiquement? Ah, il est. Merci Bichette. Merci Bichette. Avec lunettes et baraqué. Ah, d'accord. Voilà. Allez, on continue. Le remerciement du jour. Bravo pour votre intervention contre le pro-corrida de la dernière fois. Bah décidément, la corrida n'a rien d'un art ou une culture, mais plutôt une torture. Elle n'a pas lieu d'être et devrait être stoppée, je le crois aussi. Un animal, quel qu'il soit, n'a pas à être élevé pour endurer la souffrance. Merci d'avoir remis à sa place cette immondice. Oh là là, comme c'est bien écrit. Ouais, c'est bien. Je n'ai pas remis à sa place personne, c'est juste mon point de vue. Voilà. C'est un débat. Mais la blague du jour, je vous la fais. Allez, de Dolce Viti. Et si une végane tombe d'une moto? On dit qu'elle s'est viandée. De Scotty Kings. Je suis content de retrouver Koé pour cette émission sur ce créneau horaire, car ça manquait beaucoup. La dernière de ce type remonte à la fin des années 90, début 2000, avec Arthur. C'est vrai, c'était sur une autre radio. Absolument. Mais c'est vrai que, voilà, sur Énergie, c'est une première et ça me fait plaisir que vous soyez là. Enfin, on verra ça dans quelques temps, si vous êtes là. Oui, mais ça me fait plaisir que vous répondiez à l'appel et de voir tous vos messages gentils, de dire que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre dans la voiture ou partout. Ça nous fait plaisir. Alors, message de Eva. Bravo pour votre interprétation du refrain de la chanson de Jérémy Frérot. J'ai trouvé votre voix très sexy, super agréable à entendre. Toi, tu veux me pécho. Message d'Aurélien. Vivement ce soir, car t'écouter signifie que ma journée sera finie et que c'est le week-end qui commence. Gros bisous Aurélien et bon week-end. Message de Damien Carrère. Salut Koé, toute l'équipe. Chaque journée, je la commence et je la finis avec le sourire. C'est important de sourire, car ma philosophie, c'est de profiter de chaque instant de la journée avec le rire et le sourire afin de profiter à fond de la vie, afin d'éviter qu'à un certain âge, j'ai des regrets de vie. Ça passe tellement vite, alors autant en profiter. Je souhaite au monde entier de vivre dans la joie et la bonne humeur. Bisous à toute l'équipe, de la part d'un fan de Énergie, de l'équipe de Koé, vous êtes au top. C'est bien, c'est positif. C'est gentil. Je continue, j'en ai encore 700. j'en ai encore 3. Je vous présente le mec très en retard, de Benjamin. qui dit « Hey, génial, Koé de retour sur Énergie. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer cette magnifique nouvelle ? Il n'était pas parti sur Virgin pour l'interrogation ?» Non, c'est pas possible. Non. Ouais, je refais pas l'histoire. Hein. Ah ouais, non. Il fallait être là. J'ai expliqué deux trois fois. Ouais, c'est ouf. Ah non, mais je vais. Ah non, mais c'est vrai. Tu rates les feux de l'amour, ils redémarrent pas au début pour toi. Hein. Ah non, mec, si tu rates mes histoires d'amour avec Jean-Paul Bottecroux, je peux rien faire pour toi. Hein. Previously, on Koé. Attends, on en fait une encore de Arnaud D. Koé, ton appel Georges Brassens, ça fait ma journée. J'en ai pleuré de rire dans la voiture. Merci. Qu'est-ce que j'ai encore ? J'en ai encore. Ah oui, non, j'ai deux. Non, j'en fais deux. J'ai remis à la bourre. On écoute quoi après ? Dan Balan, pour toi. Appelle-le en roumain, dis-lui qu'on arrive. D'accord. Et il y a le haters du jour, je vais vous le lire, donc il s'appelle Fali. Sébastien Koé, il a 46 ans et c'est sujet de discussion principale à la radio. C'est les meufs qui lui envoient des photos avec des filtres Snap. Du coup, il peut pas voir leur vrai visage. Ça me fume. Il faudrait songer à commencer à parler à des femmes de son âge, monsieur Koé. Il connaît même pas l'âge des filtres. Mais non, mais en l'occurrence, celles qui mettent des filtres, plus elles sont âgées, plus elles mettent de filtres. Oui, oui, c'est ça, évidemment. Souvent. Donc voilà, et qu'est-ce que c'est que ce jaloux, enfin ? Mais oui, ça peut lui faire. Voilà, petit jaloux, va. Et le dernier, je voudrais vous le présenter, c'est celui qui se trompe complètement d'équipe. Ah, mais il a tout faux. Voilà, je vais vous lire son premier message. Eh, hey, génial, vous direz à Amina qu'elle est magnifique. Bise à l'équipe. Ok, je ne suis pas Michael. Surtout, il a dit, vous direz à Amina qu'elle est liquide. Bise à l'équipe. Liquide. Ensuite, liquide. Il me dit, et tu diras à Polo de faire attention. Alors, je ne suis toujours pas Michael. Mais promis, je lui dirai. Et pour terminer, dernier message, il me dit, je suis gentil pour le moment. J'ai plein de qualités comme le chant, la boxe et de gros bisous à toutes les filles de l'équipe, dont Amina. Je ne suis pas Michael. Toujours pas. Michael, vous le retrouvez tout à l'heure. Oh, c'est génial. Et je suis gentil pour le moment, j'ai plein de qualité, C-A-L-I-T-E-R, ouais. Comme le chant, la boxe et d'autres, mais bon, M-E-S, mais bon. Oh là là. Bise aux filles de l'équipe. Là-dedans. Ah ça ? Là, une attaque. C'est plus des fautes d'orthographe. C'est une nouvelle façon de parler. Là, il y a des nouveaux mots. Restez sur l'énergie, merci d'être avec nous. Je m'appelle Koé. Je ne suis pas Michael. Restez là, on a pas mal de surprises pour vous dans un instant. Dan Balan, j'adore ce type. Numa Numa Yen. Ah mais c'est génial, j'adore le clip en plus. Je le trouve vachement positif. Happy. Il est top. Say nah nah, we don't need much, I'm all right. Oh mama, hey, I mix that waist with the red. I'm with just her a cappella. Shout to the world, you know this for everyone. c'est Coé sur Énergie. On est sur Énergie, bonjour. On est en train de vous mettre des images du studio totalement America. Tout à l'heure, la fin de l'émission en version mix. Je prendrai les platines pour les 8 dernières minutes de l'émission. Ah, très bien, okay. ça s'annonce bon, un bon week-end. On se fait un petit vendredi comme mais ça. Oui, c'est la fête. Où je mixe à la fin, bordasse. Oh, ouais. Dégueulasse. Mais mec, pas dégueu, sûr. T'es dégueu. T'es bonne. Tu es horrible. Ah non, t'es bonasse. Non. Ah non, moi je le pécho. Sexy. Mais t'as, on dirait un troll avec une perruque. D'où il est pécho, d'où il est beau. Je sais pas, il y a un truc. Bernard Monroe. Ah, je suis sexe comme ça. Hein. Allez, donne-nous quelques hashtags. On est bien classé avec le hashtag. On est numéro 2 TT France. Pourquoi on n'est pas premier? Il y a qui devant nous? Je sais pas. Hein. Bah, faut... parle pas comme ça parce qu'en plus, ça va me. Calme-toi. Dans un instant, il y aura l'appel promo que nous allons faire dans un magasin pour dire que nous sommes de retour sur Énergie. Et nous aurons dans la foulée, on essaiera d'appeler des stations-service pour voir comment vont faire les personnes âgées avec le changement de sigle. Parce que tout change. Le diesel, il n'y a plus de D, il y a un B. C'est du biaisel. Mais oui, ça marche. Mais vous imaginez le monsieur de 80 ans qui déjà voit pas bien et va se retrouver avec des sigles qu'il connaît pas. On essaiera de voir ce que ça donne. Vite un petit hashtag. Il y a Laura qui nous dit il y a que les enfants pour se balader à poil sans que ça choque personne. Ça c'est vrai. Oui c'est vrai. Ouais. Un petit zizi en disant il est mignon. Quand il a 20 ans, il dit ça dégueulasse, j'appelle la police, balance ton port. Dis donc, je vais appeler tout de suite la police. A tout de suite, on revient. Gagnez vos places parmi les stars. Écoutez Énergie toute la journée. Let's do it. Dès que vous entendez le double hit Énergie avec deux hits de Ariana Grande à la suite. Appelez Énergie 3937. What's up y'all, this is Ariana Grande. Et gagnez vos invitations pour assister à la plus grande cérémonie musicale en Europe. Les Energy Music Awards. C'est génial. Le 10 novembre à Cannes. Energy Hit Music Only. Allô, bonjour, je cherche une citadine pratique et compacte. Bonjour madame, je vous propose Fiat Panda à 5 990 €. C'est une 5 portes ? Oui, 5 990 € avec 5 portes et climatisation. Génial ! Et elle bénéficie de la prime à la conversion ? Évidemment, et du bonus Ecofiat. Mais elle a combien de kilomètres ? Mais elle est neuve madame. Fiat Panda est à partir de 5 990 €, prime gouvernementale et bonus Ecofiat déduit. Offre sous conditions de reprise incluant la prime de conversion de 2 000 € et le bonus Ecofiat 2 000 € jusqu'au 31 octobre. Détails sur fiat.fr. Portes ouvertes ce week-end. Fiat. Donc selon les prévisions, pour le troisième trimestre... Tu vas la passer plus vite ta slide ? Pardon ? Ça fait une heure que t'es dessus là, c'est bon, on a compris. Si tu te traînais pas, on l'aurait torché en 10 minutes cette réunion. Attends, tu me parles mieux s'il te plaît. Mais je te parle comme je veux, espèce de... Quoi ? Non mais comment tu m'as traité ? Bah de... Mec, mais va te faire... Espèce de... Oh là là, tu changes de ton mémère hein ! Non mais c'est toi qui changes de ton... Par chance, on ne se comporte pas en réunion comme on se comporte sur la route. Au volant, restons calmes, restons en vie. Sécurité routière, tous touchés, tous concernés, tous responsables. Là, je sais. Apéro fleurs, c'est simple comme l'apéro. Ce sont des mini bouquets que vous choisissez en fonction de votre style, de vos envies et même de vos invités du moment. De quoi donner de nouvelles couleurs à chacun de vos moments de partage préférés. Découvrez les apéros fleurs chez votre fleuriste ou sur lajoiedesfleurs.fr. Téléchargez l'appli Énergie gratuite, sans abonnement, avec 150 radios digitales. Énergie, hit music only. Chez Leroy Merlin, vous garantir le bon achat, on y travaille tous les jours. Alors quand vous nous dites... Cet hiver, avec nos vieux radiateurs électriques, on va encore avoir froid. Et la facture va grimper plus vite que la température. On vous répond, à partir de 329 € et ça toute l'année, profitez des radiateurs électriques connectés Virtuoso 2. Une fois reliés à la box Enki, vous pourrez maîtriser votre chauffage pièce par pièce et au degré près, directement avec l'application Enki. Leroy Merlin. Et vos projets vont plus loin. Céréales, cherche le fromage si savoureux qu'il n'en restera pas une miette. Justement chez Grand Frais, la tome de Saint-Ours est à 11,99 € le kilo seulement. Le meilleur marché, c'est Grand Frais. Jusqu'au 13 octobre, 29% de matière grasse sur produits finis affinés en Haute-Savoie. Pour votre santé, bougez plus. Bonjour Louise, je voulais savoir si je pouvais t'emprunter tes super chaises Atmosfera pour ce week-end. Mais je te les rends vite, hein, d'ici un an ou deux. Avec Atmosfera, créateur d'intérieur, libérez votre pouvoir déco. Intermarché vous propose d'écouter le prix du jour. Le joueur s'avance et prépare son lancer, il attrape un grain, l'envoie en l'air et en plein dans la bouche. Mais quel champion ! Chérie, quand t'auras fini, tu amèneras le raisin à table ? Dès aujourd'hui, le raisin blanc Italia est à 1,29 € le kilo. C'est ça, un prix producteur et commerçant. Et c'est seulement jusqu'à demain dans votre Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Origine Italie, catégorie 1. Être à la fête, expression française qui signifie que pour l'anniversaire de la Redoute Intérieure, vous allez pouvoir réaliser tous vos projets déco. Jusqu'à moins 40% sur la maison, la literie et même l'électroménager. Alors ne choisissez pas entre le salon ou la chambre, refaites les deux. Profitez aussi de la livraison gratuite toute l'année, même sur les volumineux, avec la Redoute et moi. Voir conditions sur laredoute.fr. Direction la playa, on danse limbo bien fire. En cadence et hop, le soleil brille de mille feux, mais avec eux, on n'a pas le temps de se laisser bronzer. Appelle-moi l'homme qui vit une vie bien locale, qui donne le smile en période estivale. Je veux un panorama sur la mer et son sable, une belle sirène, nos regards orientaux. Ça m'en fout, ça m'en baba, patati patata. Ça m'en fout, ça m'en baba, patati patata. Patati patata. J'esquive les boss, cool attitude man, j'pense que j'suis boss. Une princesse des îles quand le prince perd. Une petite idylle, les deux vues on se perd. Appelle-moi l'homme qui vit une vie bien locale, qui donne le smile en période estivale. J'veux un panorama sur la mer et son sable, une belle sirène, nos regards orientaux. Ça m'en fout, ça m'en baba, patati patata. Ça m'en fout, ça m'en baba, patati patata. Patati patata. Du bon time, qui fait les bons bails. Viens avec ma clique, mais si vous voulez. Nous qui voyager, nous qui voyager. Suive-moi, suive-moi, suive-moi, et suive-moi. Ça m'en fout, ça m'en baba, patati patata. Ça m'en fout, ça m'en baba, patati patata. Puisque nous allons savoir qui part en voyage, qui traverse la route 66 aux États-Unis avec les restaurants Memphis, qui vont inviter le public tout à l'heure. Vous allez pouvoir manger, vous allez être bien, vous allez être heureux. Et venez avec nous en public tous les jours, vous inscrivez coepublic@energie.com. Vous serez là, vous assisterez à l'émission de radio, on vous fait des bisous à la fin, on fait des photos, on fait ce que vous voulez. Enfin, je change votre roue de bagnole si vous voulez. Mais si on fait tout, moi je le d'accord. fais. Ok, d'accord. Moi je suis proche des gens, j'ai pas de soucis. J'ai aucun souci. Je change les roues. Mais bien sûr, je te regonfle, je souffle dans les pneus, je fais tout ce que tu veux. Quelques hashtags, on est bien placé, on est numéro 2 TT France. Je ne comprends pas pourquoi on n'est pas numéro 1, tu n'as pas répondu. Ah, j'ai pas, alors, attends, j'ai pas regardé. Toujours pas. Ça, en 20 minutes, tu vas pas te balader en blonde dans le studio pendant une heure. En fait, c'est un truc en anglais. Je crois que c'est un truc genre de. Ah bah c'est. La K-pop. C'est BTS ouais. Ah mais j'ai déjà dit en plus que j'étais heureux de les recevoir. Parce que je sais qu'il y a plein de fans de BTS qui me disent quand est-ce qu'ils viennent. Je suis heureux de les recevoir, je lance l'invitation. Et quand ils sont à Paris, qu'ils viennent nous voir quand ils veulent, on vous tiendra au courant. J'adore ce que fait ce groupe. Jamais écouté. Ah mais c'est vachement bien, c'est comme un boys band. Mais en mode un peu électro, un peu dance et tout. Et c'est super bien foutu. Voilà, non c'est vraiment bien. Quoi d'autre? Alors on a Olivier qui nous dit: il n'y a que les enfants pour marquer joyeux anniversaire avec la clé de la voiture de papa sur la voiture de papa. C'est vrai, et on leur dit pas grand chose. Moi j'avais fait un truc, une fois quand j'étais gamin, j'avais pris une craie, mon père il avait une Citroën un peu couleur marron, pas très belle, hein. Ouais. Pas beaucoup de goût dans la famille. Et j'avais pris une craie, et pendant qu'ils mangeaient en famille, j'avais écrit, j'avais fait tout un capot à la craie, marqué police. J'avais fait le logo police en énorme. Police, j'avais tout écrit, restait plus, tout à la craie. Mais ça griffe la peinture. Mais grave, j'ai niqué à moi. Oui. Oh merde. J'ai niqué à moi. La voiture, et tu sais quoi, il m'a à peine engueulé. Il a dit ah ouais c'est rigolo en pleurant comme ça il avait une larme. C'est rigolo. Il m'a dit c'est pas beau, c'est très beau. Le beau. Non mais c'est vrai, mais bon, moi je pense que mon enfant aurait fait ça, je lui aurais dévissé la tête. Je sais pas ce que j'aurais fait. Mais il avait été adorable sur ce coup-là. Quoi d'autre? On a Koé Family qui nous dit il y a que les enfants pour tomber, pleurer et repartir jouer en deux minutes. C'est vrai ça. Et ils pleurent pas quand tu les regardes pas. Non. C'est-à-dire que quand un enfant tombe, personne ne le regarde, il se relève, il fait oh, je suis chier, puis il repart. Ouais. Et dès qu'il tombe, il regarde autour de lui, on m'a regardé. Ah cinéma. C'est ouf. Cinéma. Un dernier. Il y a Girafe qui nous dit il n'y a que les enfants pour laisser traîner ce putain de Lego par terre, te détruit le pied. Ah, celui-là, il fait mal. Ça va avec. Attention, c'est le moment de faire notre pub. Aujourd'hui, nous n'appelons plus donc un supermarché. Qu'est-ce qu'on a fait déjà? On a fait des salles de sport, ouais. Magasins de jouets, on a fait. Jardinerie, on les embrasse tous. D'ailleurs, ils ont tous joué le jeu. Monsieur Bricolage. Ouais, on a fait un Monsieur Bricolage, mais on n'avait jamais fait de magasin érotique. Pour adultes. Ouais, on dit plus sex shop, hein, maintenant, non. On dit sex center. C'est ça. Ça fait genre un peu plus magasin, mais bon, c'est toujours des. C'est toujours pareil. Sex shop. C'est moins glauque. Il y a les mêmes poupées gonflables. Ça, c'était. Moi, j'avais offert ça une fois à un copain pour sa fête dans l'enterrement de vie de garçon. Ouais. Et ils te vendent une poupée gonflable. Genre, elle est sur la photo, mais c'est vraiment une bombe américaine. Ouais. Elle s'appelle toujours Cindy, Barbarella, jamais Ginette et Lucie. Hein, c'est toujours, hein. Et je te jure, on l'avait gonflée pour déconner, comme beaucoup. Ouais. Et quand tu la gonfles, elle dépasse à peine le mètre. Elle est. Non mais c'est glauque. C'est des bords en plastique, je pense, qui sont coupants. Ah oui, oui, bien sûr. Ouais, ouais. Je ouais, pense oui. Que tu faut tu faire. Blesser, mais blesser. Je vous le dis, messieurs, ne mettez jamais votre zizi dedans. Vous les achetez que pour faire des blagues aux copains. Jamais mettre son truc ah non, dedans. C'est horrible. Ça coupe. Non, non, faut pas, Jeff. Bon, j'appelle un truc sexe. On est dans quelle région? On est dans le 69, par hasard. À Pierre Bénite. Comme par hasard. À Pierre Bénite. C'est en le plus. Nom de la ville. Ouais, le nom de la ville. Non. J'ai fait exprès. À Pierre Bénite, il y a un sex shop. Enfin, c'est Pierre Bénite, bonsoir. Ah, Pierre Bénite, absolument. Bonjour, c'est Koé à l'appareil, on est sur Énergie, mademoiselle, bonsoir. Bonsoir. Alors, attendez, alors là, je suis. Oui, j'attends, je suis, oui. Je suis dans une ville qui s'appelle Pierre Bénite. Oui, Pierre Bénite, à côté de Lyon. Dans le 69. Tout à fait. Bien. Et c'est un. Et on est. Alors, je ne savais pas comment le présenter, mais on est dans un magasin pour adultes. Oui, on peut dire ça comme ça, voilà. D'accord, et vous avez toute la journée des clients qui viennent vous acheter la poupée, la revue, le produit, le... Le sextoy, la lingerie, oui, tout à fait. D'accord. Et les gens de Pierre Bénite, ils viennent? Non, ils viennent d'à côté, ils viennent de Lyon, ils s'écartent un peu de la ville. Alors, on a de la chance, ils viennent de toute la région Rhône-Alpes. Ah bah, évidemment, c'est réputé. C'est le plus grand magasin de Lyon. Eh, bah, dis donc. Ah, et tous les coquins du 69, ça va, toi, le 69, putain d'œil. D'ailleurs, ils sont tous coquins dans le 69, c'est pas par hasard. Oui, pas par hasard, c'est une région de chaud, bien sûr. Bah, bien sûr, regardez, notre ministre de l'Intérieur, l'Intérieur, il venait d'où? 69. Et bim. Voilà, oui. Vente rien. Bon, alors, en attendant, le prénom de la demoiselle, c'est Aurélie. Aurélie, je vais poser une question, mais à mon avis, non. Aurélie, est-ce que tu as un micro? Un micro, c'est-à-dire pour faire des annonces dans le magasin, genre en parler aux clients. Genre, monsieur, il est interdit de sortir sa zizounette là-bas, merci beaucoup. Monsieur, vous pouvez la rentrer s'il vous plaît. On range le matos. Non, vous n'avez pas de micro. Non, on n'a pas de micro. Eh bien, nous allons tenter. La crier, tant pis. Pour la première fois, nous allons tenter. J'ai besoin de vous que vous me fassiez ma promo à la crier dans le Love Center. À l'ancienne. À l'ancienne. Ah, il faut que je fasse une promo. Ouais, pour moi. Je vous donne le texte. Ah bon. Prenez un papier, un stylo. D'accord. Alors, j'ai un papier. Prenez le stylo Zizi sur ressort qui est devant vous. Il marche toujours, celui-là. Celui qui bouge. Ouais. Vous avez l'image, non? Tu le prends pour ça. Tu le prends, le truc. Alors, donc, je vous donne le texte. Ah, bah, j'ai plus d'encre. J'écoute. De 17h à 20h. De 17h à 20h. Écoutez Koé sur Énergie. Écoutez Koé sur Énergie. Ça fera pousser le Zizi. Oh ah si! Ah si! Ah bah si! Ah bah si! C'est super original, hein? Ah bah oui, bah, j'avais d'autres trucs, mais il est trop tôt. On va pousser le visu d'investissement. Pourtant, j'ai l'habitude, hein, je travaille là tous les jours. Bah voilà, c'est pas ça qui va vous choquer. Non, je suis choquée de pas grand-chose. C'est étonnant d'avoir une charmante jeune fille avec une si jolie voix dans un endroit. Ouais, c'est gentil, c'est la première fois qu'on me dit une jolie voix. Okay. C'est la première fois qu'on vous le dit. Ah non, vous avez une jolie voix. Oui. Ah bah merci, merci. Mais c'est plus comme avant. Étonnant, oui, non, en même temps, je suis pas si jeune que ça. Hein. Quel âge vous avez ? 33 ans. Mais si, oh, ça va, jeune, ça. Mais ça va. Moi, j'ai 29 ans. Oui, bon, ça va. Vieille, ça va. Attends, donc, vas-y, répète-moi le texte avant de le crier. Alors, de 17h à 20h, écoutez Coé sur Énergie, ça fera pousser le zizi. Alors, maintenant, vous posez le téléphone et vous le criez bien fort dans le magasin, je veux l'entendre. Alors, faut que j'aille en magasin, par contre. Ah oui, parce que là, j'ai été, mais faut écarter le téléphone. Faudra écarter le téléphone de votre bouche qu'on comprenne bien que vous le criez. Sinon, alors, je tiens à dire qu'il y a à peu près une dizaine de clients dans le magasin. Très bien. Allez, gens du 69. Ah, ouais, c'est, ah c'est pas les derniers. Ils préparent leur soirée, là. Ah, ça sent bon le week-end. Je dis une fois, ça suffit. Oui, mais bien fort, et vous écartez bien le micro de le téléphone, hein, qu'on entende bien. Ah oui, quand même. Vous êtes okay. Au milieu du magasin, là ? Alors, attendez. Hop, j'y suis, c'est bon. Vous mettez pas à côté des poupées gonflables, ça fait écho. D'accord. C'est parti ? Oui. Allez. De 17h à 20h, écoutez Coé sur Énergie, ça fera pousser le zizi. La gêne du truc, mais c'est génial. Même Coco n'assume pas. J'espère que mes enfants n'écoutent pas. Je te fais un gros bisou, on t'applaudit. Bravo. T'es un amour. T'es un amour et je te promets, le jour où je suis de passage à Lyon pour le One Man, on ira faire un petit détour par Pierre Bénite pour te faire voilà, un bisou. C'est oui. Du Frame Center, s'il vous plaît. Eh ben, je t'inviterai, tu sais quoi, le jour où on va à Lyon jouer au One Man, on te rappellera et je t'inviterai au spectacle, comme ça a été génial. Bravo. Ben, vraiment, avec grand plaisir et merci de nous avoir appelés. À bientôt. C'est génial. Je t'embrasse fort. Bisous. Elle est adorable, cette demoiselle. T'as vu ? Bisous. C'est énorme. Ah, mais il y a eu une demoiselle. Ouais. Le Sex Center, c'était la folie, là. Attention. Ça marche, ça marche. Il a raison, ça marche. Ça durcit. sur Énergie. Merci d'être avec nous sur Énergie. Quelle rigolade. Merci pour tous vos messages. Continuez de nous suivre. Réagissez sur mon Insta. Vous pouvez aller me laisser des messages sur Instagram, Koé Officiel. On a encore pris 1000 personnes dans la nuit. Oh, dis donc. Ouais, 4000 hier sur mon Twitter, Koé Officiel. Ouais. Et dans le week-end, on va arriver, je pense, à 2 800 000 personnes qui nous suivent sur le Facebook. Donc, c'est continuez beau, de nous rejoindre. Ça nous fait très plaisir. Merci pour tous vos gentils messages. Est-ce que j'ai le temps, avant qu'on fasse les stations-service, de faire un petit tour sur les voisins? Ah oui. Oui, oui, oui. Je peux ou pas? Vas-y. Voici un petit message que les gens se laissent. Alors, si vous habitez un immeuble, si vous habitez une maison, évidemment, ça vous parle pas, mais si vous habitez un immeuble, vous avez tous eu un jour le petit mot de plainte, le mot qui prévient de attention, samedi, on va faire du bruit. Voilà, et puis des gens qui mettent des commentaires. Et il y a souvent des gens qui gueulent. On y va ou pas? Allez. Ouais. À l'intention du voisin qui a allègrement déversé de la farine devant ma porte. La prochaine fois, ramenez aussi jambon, tomate, mozzarella, on discutera de votre problème autour d'une bonne pizza. Merci. Désolé du bruit, mais j'ai le droit. Je viens de me faire larguer. Oh. La plus belle des excuses. C'est mignon en plus. On continue. Alors, bon, leçon numéro 1. Fais pas aux autres ce que t'aimerais pas qu'on te fasse. PS, j'espère que vous avez kiffé One Direction parce que la prochaine fois, je vous mets l'intégrale de ma fille. PS2, toute résistance est inutile. Ma force de frappe est militaire, j'étais même pas à la moitié de la puissance de mes enceintes. Bonne soirée. Bonjour, c'est inadmissible. Je m'adresse à tous les couples de la résidence de respecter vos débats sexuels. Vous n'êtes pas tout seul, faut savoir vivre en collectivité. Le respect, merci. Maintenant, je vais m'attarder sur le mot que je viens de vous lire. Oui. C'est inadmissible. C'est CES. Je m'adresse à tous les couples. Tout, T-O-U-T. Les couples de la résidence. Danse, D-A-N-C-E, évidemment. Et bien sûr. Sur un tcha-tcha, la résidence. De respecter vos débats sexuels. Non, débats, ce sont des ébats sexuels. Je ne suis pas d'accord avec vous. Oui, évidemment. Débats, vos débats sans S, sexuels, E2LE. Oui. Ouais. Allez, vous n'êtes pas tout seul. Faut savoir, faux, F-A-U-X, faux. Ouais. Faut savoir vivre en collectivité. Le respect, merci. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a? J'en fais encore un autre. Alors, sachez, chers voisins, que quand vous vous engueulez et que vous claquez et reclaquez votre putain de porte, on vous entend. Si vous pouviez passer directement à la phase, on baisse comme des lapins pour se réconcilier, nettement point brillant et plus rapide visiblement, ça nous arrangerait, vos voisins. Et puis alors là, il y a le mot, ça mon avis, je vous en ferai d'autres tout à l'heure, celui-là, il est laissé visiblement par un mec qui est énervé. C'est un petit mot, c'est un petit post-it. Ah ouais, hein. Oula. Ouais. Je me gare où je veux. Fils de pute. Si mon épave te gêne, sache que je m'en tartine le fion et elle va rester longtemps. Merci. Mais quand même le merci, il est poli à la fin. C'est énorme. Mais il y a des gens qui écrivent des trucs, je trouve ça extraordinaire. On fait Lionel et après on fera l'appel à la station service. D'accord. On essaiera de voir si vous êtes une personne âgée. Ah ouais. Comment vous réagissez avec les changements. Parce que là, il y a. C'est là compliqué là. Ah, mais ce week-end, les amis, si vous allez à la pompe. Tout ce que vous avez vu jusque-là n'existera plus. Ça y est, ils ont tout changé dans le week-end. Alors autant pour un remaniement ministériel, on attend longtemps pour changer les pompes, il y a du monde. Hein. Mais en fait, ça sert à rien ce truc. C'est parce que c'est européen. Parce qu'en fait, dans les autres pays, il n'y avait pas les mêmes choses. Donc pour les gens qui... Voilà, c'est fait partie. Pour se mettre aux normes. D'accord. Par exemple, le sans-plomb okay. 95, ça va devenir E10. Sans-plomb 95, 98, E5. L'éthanol, E85. Oh. Du gazole, vous allez me dire G ou oui, D comme bah disait. Ouais, non, B7. Du gazole, grand froid B10, du gazole paraffinique XTL, l'hydrogène H2, GPL, je propose gaz naturel comprimé CNG. Oui, très bien. Les chiffres, monsieur Durand, j'ai B7 et E85. Il a coulé mon porte-avions. Non, mais les amis, je vous jure, je comprends que dalle. Je comprends que dalle. Dans pas longtemps, je vais aller faire le plein, là, tout à l'heure, quand je vais partir. Alors, qu'est-ce que tu vas demander? Je sais pas. C'est super dur. Non, mais c'est quoi? C'est la première fois de ma vie que je vais partir avec une feuille de l'émission. Ah, mais ouais, mais c'est ouf. Je vais arriver devant la pompe, je vais faire alors. Bon, alors, il me faudrait alors. Du. Bah, moi, je vais prendre du B7. Oui. Du quoi? Du B7? Du B7. Ouais. Tu prends du gazole, donc. Je prends du gazole. Et c'est quoi le gazole grand froid? En vrai, nous, on n'a pas de température polaire. Alors, à quoi ça sert le gasoil prend ouais, parce que c'est européen, donc il y a des endroits où il y a quoi. Et le gasoil paraphinique, tu t'en mets de temps en temps du paraphinique de synthèse. T'as déjà vu un gars qui dit Michel, tu me fais le plein de gasoil paraphinique de synthèse, s'il te plaît. Personne met ça. Ah, et de l'hydrogène, je me balade pas avec un ballon dirigeable. Non, mais t'as déjà vu un mec qui arrive en montgolfière. Vous pouvez me refaire le plein, s'il vous plaît. Mais je repars tout de suite. Je prends du H2 et je repars. Allez, on... Mec, il a le Hindenburg, tu sais, il passe au-dessus, allez. Qu'est-ce que c'est que ça? Du gaz naturel comprimé, qu'est-ce que c'est que ça? C'est pour les ballons, ça. Pareil. Je sais pas, je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Alors, pointu, hein. Imaginez, je suis très vieux, vas-y, appelle qui tu veux, Claude. Je suis très vieux, je ne sais plus quoi faire. J'ai tout mélangé. J'appelle pour poser des questions. Est-ce que les stations-service auront la patience, surtout. Ouais. Allô ? Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Je suis client de la station service et j'ai vu que les carburants changent de nom. Oui. Voilà, est-ce que vous pouvez m'aider ? Ça change juste, il y a toujours le diesel et le samplon 95, samplon 98. Oui, mais les noms, ils ont changé. Non, ça s'appelle toujours SP samplon 95, SP samplon 98. Ah non. Diesel excellent. Non, j'ai vu qu'il y avait un B. Oui, mais le B, c'est pour le diesel, monsieur. Du diesel. Oui. Du diesel. Non, le diesel. Oui, mais c'est un D à diesel. B7, c'est pour le diesel. Ça s'appelle comme ça maintenant. Mais et E5, c'est quoi? C'est samplon 95. Et B10? B10, oh. C'est le samplon 98. Il a coulé mon porte-avions. Ça fait bataille navale, hein? Non. Non. Et bon, et parce que moi j'ai mon petit-fils, il me dit toujours MDR. C'est quoi comme carburant? MDR? Alors là, je sais pas. Vous n'avez pas celui-là? Si c'est du GPN, non, nous on n'a pas ça. Donc et PTDR, il faudrait que vous regardiez aussi ce que c'est comme carburant. Donc je résume, E c'est essence. Oui. B c'est pour le diesel. B7 c'est les deux diesels. Et le reste, on s'en fout. De toute façon, c'est affiché sur les pompes. Il y a toujours marqué essence et diesel. Ça, oui, ça mais change pas. Moi, j'ai une Mercedes classe E, mais diesel. Alors, je mets du E. Mais non, vous mettez du diesel. Mais c'est une... du E, parce que c'est une classe E. Mais non, soit vous mettez du diesel normal, soit vous mettez du diesel excellium. Bah, moi, il dit que c'est... Ça. Mais oui, mais il y a une pancarte E. Et moi, c'est une Mercedes classe E. C'est pas une classe B. Ben oui, mais monsieur, il faut mettre du gasoil. Du moment que vous mettez du diesel, il n'y a pas de problème. Et si j'ai une Mercedes classe B, mais essence, je mets quoi? Alors, excusez-moi, mais là, j'ai des mondes qui m'attendent. Bon. Excusez-moi, il faut que j'encaisse. Oui, de toute façon, je n'ai pas de voiture, je n'ai même pas le permis, je voyage en train. Vous avez les horaires pour Montparnasse? Je voudrais... Vous faites ça? Ah non, pas du tout. Ah d'accord. Bon, ben merci, au revoir. Au revoir, madame, à bientôt. Elle était d'une gentillesse. Elle était d'une gentillesse. Bravo, j'ai pas de rappelle-la pour lui faire un bisou en antenne. C'est énorme. Dans un instant, le jeu des 20 secondes, savoir qui va gagner et qui va peut-être aller faire un tour au Energy Music Awards. Et tout à l'heure, nous saurons qui est le grand gagnant Memphis pour aller faire sur un tour sur la route 66 aux États-Unis pour 4 personnes. C'est mon rêve, ça. Ça doit être très très bien. Bah, vas-y. Elle habite dans ma ville, quand elle me croise, elle me vesquive. 5 ans que je la vois, dans mon bâtiment, c'est ma voisine. Je connais ses frères, c'est méga sûr, même plus grand que moi. Quand elle me voit, un petit sourire et elle s'en va. Bref, on n'a jamais tapé la discute, elle m'ignore grave. La go m'intrigue, mais si je parle, je suis dans le beau drap. À croire que je n'en vaux pas la peine. Je devrais pas, mais j'avoue, j'ai la haine. En fait, elle m'attire, comment lui dire? Une histoire d'amour peut attirer en lui. Hey, hey, ma belle, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Mon cœur va chez là pour toi, ma bella. Seeing you, I can't move on. You wind up that waist, making me dance, now I can't move on. Oh, my girl, so sexy. The way she dance, so sexy. So she give me love, sexy. You make give me once more sexy. Yeah, with your sexy body, come and chop my money, yo. Ay, ay, ay, ay.

auditeurs qui te réveillent en fin de journée. Monsieur qui crie, oui, oui, oui, c'est à vous. Merci, monsieur. Oui, c'est bon, on a compris. C'est Coé sur Énergie. On est sur Énergie, je vous dis, cette émission, je m'éclate, j'ai l'impression que vous vous amusez aussi en nous écoutant. Merci à vous d'être là. On va en faire une émission du numéro 1, celle-là. Oui, oui. Tu le sens ? Parce qu'en général, t'as un bon pif. Ouais. Depuis le début de l'année, ouais. Hein, t'as un bon pif, toi. Ah ouais. Vous verrez. Je sentais qu'on allait être numéro 1 et alors, on n'est pas numéro 1. On est numéro 1, t'étais français. Eh ben voilà. Ah, voilà. Bien joué. Ah, bravo. Qu'est-ce que tu sens bien ? Quel fer. Ah là. Alors on y va. Le hashtag de ce soir, il est drôle. Hein. En dédicace à tous ceux qui partent en week-end et qui ont leurs enfants dans la voiture et qui savent que. On a tous. Enfin, moi, j'ai des enfants qui maintenant sont grands. Oui. Et quand ils étaient petits, c'est la partie la plus chiante. Ah oui, chargée. Non mais très honnêtement, hein, je le dis, tous ceux qui m'écoutent en voiture, qui ont les petits derrière d'abord, parce que t'es obligé de t'acheter des sièges auto qui sont généralement assez laids. Oui. Voilà. T'es obligé généralement. Dès que t'as un enfant. Tu veux les mettre où sinon, voyons. Il y a de la place encore. C'est-à-dire que non, mais c'est pas ça. C'est que tu les laisses. C'est-à-dire qu'au début, tu fais le malin. T'as ton fils à l'arrière. Clac. Tu mets les sièges auto. Mais à la fin, t'es feignant. Tu les enlèves plus. Résultat, tu te balades avec une bagnole avec deux monstruosités à l'arrière. Pas les enfants, les sièges. Qui sont les sièges. Les enfants aussi. Hey, mais t'es en train de me chauffer. Mais là. C'est les un siège auto. Mais non, c'est pas beau. C'est pas beau. C'est pratique. C'est les une escroquerie. Ils vendent ça 300 mais parce euros. Parce que voilà, t'aimes pas qu'il y ait ça dans ta bagnole. Mais ouais, c'est pour mais les nanas, on est contentes. Tu peux plus prendre tes potes derrière parce qu'ils veulent monter. Ils font un merde à part bordage, quoi. Souf, t'es maman. Bah oui. T'avoueras avec moi que c'est quand même une période quand t'en sors, t'es content. Bah moi je suis dedans donc. Oh non. Elle a grandi, elle a 7 ans maintenant. Quand t'en sors, t'es content. Ah non, bah non, justement, non. Moi je suis nostalgique de ça. T'as le baby boom. Après, t'as la période aussi ado relou aussi. Et puis attention, c'est pas la même chose homme-femme. Parce que les femmes, c'est une période qu'elles aiment bien. Et nous, les hommes. Voilà. Oui. Tu vois, déjà, généralement, quand ta femme, elle attend un enfant, toi, tu viens de t'acheter une petite bagnole de place. Ouais. Tu regardes ta bagnole dans le garage, tu dis, toi, tu vas pas faire long feu. Bah voilà. Et ta femme, elle te met sous le nez des trucs, tu sais, genre le C3 Picasso. Le familial. Et elle qui a jamais regardé un bouquin de bagnole, elle fait, dis donc, il y a de la place dans le coffre. Pour mettre la poussette. Toi, 6 mois avant, tu regardais la cylindrée de la bagnole que t'avais acheté dans le bon coin, et 6 mois après, tu regardes la quantité du nombre de litres que tu fous dans un coffre d'un break. Mais vous êtes pas pratique. Et t'es là, mais tu les vois, les mecs qui sont obligés de conduire la bagnole familiale, tu les vois sur leur tête, ils ont pas envie. Ils te regardent, ils font. Les multiples. Ouais, mais tu l'as voulu, ton gosse, il faut l'assumer. Mais voilà, c'est ça, faut assumer. Ah ouais, mais c'est super, hein, mais quand même. Pas la bagnole. Puis ça crie, c'est bruyant. Sauf la semaine dernière, je vous raconte un peu ma vie. J'étais au Touquet, il faisait très beau. J'ai vu une famille d'enfants qui n'existe pas. Je crois qu'on trouve cette race qu'au Touquet. Des enfants, tu sais, coiffés à la Vianney. Oui. Il devait s'appeler sans Hugo ou Louis, ouais. Certainement. Bonjour. Avec des petites chemises blanches. Ouais, repassées. Mais oui, les petites filles avaient des petites robes. Ouais. Et elles avec couraient les toutes les unes après les autres dans le sable. Et tu sais, elles tombent. Et elles se relèvent, elles sont auto-nettoyantes. Elles se relèvent, elles sont propres. Impeccable. Tu sais, alors que moi, mon fils, il tombait bah, comme une merde. Il y en avait partout, des pieds à la tête. Je le prenais au bout d'un bâton. Je dis, tu rentres pas dans la voiture. Mais c'est vrai, les enfants sont pas pareils. Tu sais, mais comment il faut ? C'est des fours auto-nettoyants, ces mots. Ils se relevaient, c'était déjà tout propre. Ils enlevaient le sable, ils font je veux cela. Oh, je veux ces enfants. J'ai failli les acheter. Moi, les miens, ils étaient sales, sans tomber. Je comprends pas. Non, mais il a raison en plus. Bordas, alors, quelques hashtags. On a Margot qui nous dit il n'y a que les enfants pour dire j'aime pas, c'est pas bon, alors qu'ils n'ont même pas encore goûté. Non, il y a moi. Non, non, oui, c'est vrai. Miko, vous savez que je lui ai déjà fait goûter des plats il n'y a pas si longtemps que ça, où il regarde le plat arriver sur la table, il fait je vais goûter quand même. Il a goûté des haricots verts il y a un an. Il y a pas longtemps. Je déteste ça. Il y a un an. J'aime pas ça. Mais c'était bon, tu as dit que tu voulais. Non, non, les tiens, ils étaient bons. Ouais. Merci. Alors, on a Marion qui nous dit il n'y a que les enfants pour demander pourquoi à chaque fin de phrase. Pourquoi ? Et pourquoi ? Et toi ? Et oui, non, c'est pas vrai. Vrai. Si, toi aussi. Non, c'est pas vrai. Attention, toute la semaine nous avons joué, toute la semaine il y a des gagnants qui ont joué avec nous au jeu des 20 secondes grâce à Laser Game Evolution qui ont déjà gagné la possibilité d'y aller avec 20 de leurs potes. Nous avions Alexis de Grenoble, Sarah de Paris, Célia et la demoiselle que j'ai appelée Negma et qui ensuite m'a dit Najma. Non, c'est Najma. Et évidemment, pourquoi je l'appelle Negma, je suis idiot. Voici la dernière personne qui va jouer, qui va peut-être gagner non seulement les places avec tous ses potes, mais qui va concourir aussi pour le tirage au sort qui aura lieu dans quelques secondes pour les Energy Music Awards, pour venir en invité VIP. Je dis bonjour à Laurie, bonjour Laurie. Bonjour. D'Avignon, bonjour Anaïs. Bonjour. Bonjour. Salut Pierre. Bonjour. Ouais, ça marche aussi, ça marche aussi. Vous avez chacun 20 secondes, vous allez jouer, on va compter le nombre de records que vous nous faites. Vous êtes prêts? On commence par Laurie. La journée était bonne, Laurie? Impeccable. D'accord, c'est génial aujourd'hui. Oui. Ah oui, ça y est, c'est le week-end. Ok, vanne de vieux. Attention, Laurie. Oui. Tu vas jouer avec nous, tu as 20 secondes pour me donner des légumes. Oh. Top. Des légumes. Alors, des tomates, des poireaux, des aubergines, des concombres, des endives, des carottes, des haricots verts, des petits pois, de la salade, des maïs. Voilà. Des... On s'arrête là. Très bien. Bravo, 5 fruits et légumes par jour. Très bien. Anaïs, Haute-Normandie, oui. Tout va bien, Anaïs? Très bien. Ouais, oui, je sais. Tu es où en Haute? Mais moi, c'est pas génial parce que vous allez me manquer pendant 2 jours. Et quand on, sachant que je vous retrouve que lundi soir, ça fait presque 3 jours. Oh, t'es triste. Ouais, parce que j'adore cette émission et ça me gêne de pas être là le week-end. Débat. Quoi? Un débat là. Sûr. Sur le nombre de points. Les légumes, ouais. Tomate, c'est un fruit. Hein. Ouais, voilà, vous l'enlevez. Non, je ne crois pas. Je crois que tu peux regarder sur internet et c'est rentré dans. Non, je sais pas. C'est considéré comme un fruit légumier. Voilà. Eh ben je l'enlève quand même. Je mets un fruit. Il y en avait 10. C'est 10, hein? Ouais. Non, c'est 9. Non, c'est 10. Non, mais non, c'est 9 bonnes réponses. 10. Je mets 10. Bon, d'accord. Anaïs? C'est 9. Oui. Débat. Anaïs, tu as 20 secondes pour me donner des races de chiens. Oh, 20 secondes pour me donner. Je laisse quelques secondes de réflexion. Des races de chiens. Des vannes de Top. Chiens. Labrador, caniche, bull terrier, fox terrier, bulldog, golden retriever, c'était facile. Ah, Bichette, vas-y, fonce, Bichette. Berger allemand, berger australien, berger belge. Berger des Pyrénées, Saint-Bernard, Caniche Royal, Tekel Nain, Tekel à poil court, Tekel à poil ras, Malinois. Voilà, mais il a raison. Mais il a raison, c'est ça qu'il faut faire. Oh, ma petite Anaïs. Excusez-moi, je crois que le Tekel, c'est un légume. Pierre? Non, c'est un fruit. C'est un animal légumier. Pierre, tu es là, Pierre? Oui, je suis là, je vous écoute. Pierre, puisque tu es un bonhomme, tu as 20 secondes pour me donner un maximum de super-héros. Waouh. Top. Ok, alors Iron Man, Superman, Batman, Ant-Man, Deadpool, Spider-Man, Thor, Green Lantern, là, Captain America, Thor, je l'ai déjà dit, Captain Marvel, Wonder Woman. Aïe. Ah oui, mais sur le gong, fin du gong. Non, il est bon. Le Wonder Woman, on le compte. Vous avez vu comme il est dur ce jeu, parce qu'on en connaît plein. Mais quand on vous dit top, t'as 20 secondes. T'as l'impression qu'il y a un embouteillage dans ton cerveau. Attends. Je crois que c'est lui. C'est Pierre. Un prêt. C'est Pierre. 11 points. Pierre, mon ami, c'est toi qui gagne. Pierre, tu es sélectionné déjà, tu gagnes avec 20 de tes copains l'invitation Laser Game Evolution de ton choix, ça dans ta ville, c'est réglé. Mais en plus, tu vas concourir avec nous pour aller faire un tour au Energy Music Award le week-end du 10 novembre, nous y serons tous. Tu seras en VIP, mais attention, Pierre, tu restes là. Ouais. D'accord, je fais un bisou quand même à Anaïs et Laurie. Les deux, je vous embrasse. Bisous. Smack, love, kiss. Cadeau, tu leur fileras des cadeaux quand même. On fait le tirage au sort tout de suite. Vous savez quoi? Perds pas de temps, ça dure 2 secondes. Ok, d'accord, vas-y. Allez, on y va. Je prends quelqu'un du public. Ouais, j'avais mis le nom de Pierre. Ouais, est-ce qu'on a arrêté le nom de Pierre? J'ai Nejma, j'ai Célia, j'ai Sarah. Il est sorti. J'ai Alexis. Ah, bah je la rentre, pardon. C'est pas bien la radio. Mademoiselle, venez, quel est le prénom? C'est rare de faire une émission de radio comme ça. T'en as une qui est sortie. Quel est ton prénom? Samia. Ça va, Samia? Ça va. Samia. C'est la main innocente? Ah oui, carrément innocente. T'as tué personne? Non. T'es pas passé dans le crime chez Bordini? Non. Ok, vas-y. Tu me montres. Suspense. Elle déballe. Ok, on va l'appeler. On appelle le gagnant? On appelle le gagnant. Ou la gagnante? Ça va toi? Oui. Passé une bonne journée? Ouais. D'accord, je peux parler plus fort. T'as faim? Oui. On va manger dans un instant. Allô? Oh mon dieu! C'est Koé, hein? Un Koé suffira, tu sais. Ou Coco éventuellement. Nejma? Oui. C'est ma copine Nejma? Oui. Je t'invite tout frais payé la totale en VIP ou énergie, mais c'est quoi? T'es contente? Oh, oui. Oh mon Dieu, pardon, merci beaucoup. Oh mon Dieu, c'est pas possible. Si, c'est vrai, tu vas être invité, tu vas être en VIP, tu viendras nous faire un gros bisou, je compte sur toi. Hein. Oh mon Dieu, franchement, merci beaucoup. Oh, ça fait plaisir. Je t'embrasse fort, ma belle, gros bisous. Oh, des gros bisous, merci beaucoup. Gros bisous à toi, elle est géniale, c'est la gagnante. Tu pleures? Oui. J'aime ce moment. Je ne vous le cache pas, j'aime ce moment. C'est bon pour l'audience. C'est de l'émotion, c'est bon, audience cumulée. Fin de marché, génial. Bisous, Negma. Nejma. What the hell do you mean I've got to wait in line? This is complete and total bullshit. If I show you my tits, will you let me in? Just take another drink with me. Thanks. Later, bitches. Bitches. Bitches. Nous laisserons la main à Rico Show et on vous dira lundi. J'ai rien vu. Moi, je n'ai rien vu passer de cette semaine. Rien vu du tout. Dans un instant, nous allons nourrir le public. Dans un instant, qui partira de nos auditeurs aller faire un tour pour traverser la route 66 aux États-Unis. Ça vaut peut-être pas grand-chose, la route 66 aux États-Unis, mais c'est la route mythique, mythique. Qui traverse d'est en ouest ou dans les deux sens. Hein, ça va aussi. Comment ? Non, c'est pas vraiment est en ouest. C'est Chicago, Los Angeles. Oui. Alors, la prochaine fois que tu veux me couper la parole. Non, mais c'est bien le. Il est possible qu'un objet contondant, tel ce bulldog en métal, aille vers ton visage. Mais évidemment, d'ailleurs, c'est très beau parce que ça passe par les rocheuses et tout, machin, etc. C'est très beau. Wow. Et après, t'as le désert, mais faut. Après, bon. Faut avoir envie de rouler à 85 km/h pendant 5 jours. Sur une ligne droite, ouais. Ouais, sur une ligne droite. Mais tu l'as fait. Parce qu'au début, tu fais, c'est beau. Après, tu fais, c'est beau. Non, c'est magnifique. Mais c'est le problème aux États-Unis, c'est que toutes les distances sont très longues. Ouais. Moi, j'ai eu la chance de faire une fois, vous avez déjà vu les images, les ponts qu'il y a au sud de Miami, ça, les îles où il y a des ponts gigantesques pendant des dizaines de kilomètres et vous avez de l'eau de chaque côté. Ouais. Et puis, vous prenez une petite île, puis un pont, etc. Ouais, ouais. C'est sublime. mais c'est 200 km de ça. À 60 km/h. Il pète un câble. Au début, tu fais c'est beau. Mais après, tu fais c'est beau. C'est long. C'est long, par contre. Hein, arrive bientôt. Alors, on va faire un bisou à Lionel, tiens, qui va nous faire un. T'es là, Lionel ? Bonjour. Bonjour. Vous le maîtrisez pas encore totalement. Vous avez la bonne volonté, mais c'est bonjour. Ça s'écrit B-O-N-C-H-O-U-R-I-N. Bonjour. Bonjour. C'est pas E-U-E, c'est à la fin. Lionel, qu'est-ce qui t'a saoulé cette semaine dans l'actu? Alors, on va faire un petit tour de ce qui vous a saoulé. Mets-moi une autre personne, tiens, juste après, voir ce qui vous a saoulé cette semaine. Qu'est-ce que t'as eu, toi? Moi, ce qui m'a saoulé, c'est le réchauffement climatique. Tu sais, ils disent qu'il y a des moustiques qui seront là jusqu'en décembre. Oui. Mais moi, les gars, je m'en bats les couilles tant qu'on a 30 degrés. Hein. Ouais, mais... Il a raison, oui. Mais c'est vrai que c'est pas politiquement correct de dire m'en bats les couilles, réchauffement climatique. Non, on peut dire ça. Ouais, mais c'est vrai, regardez, tous les insectes, là, ils durent. Ah. Et ces saloperies-là, ça amène. Il y aura des moustiques. Oui, mais toi, t'habites Nancy. Mais ceux qui habitent dans le sud de la France, ils ont des moustiques qui leur amènent des tas de maladies tropicales. Ah, fais-moi le malin, là. Ah, dis pas rien. Parce que c'est vrai qu'à Nancy, la maladie tropicale, elle n'existe pas trop. Non. Mais dans le sud de la France, maintenant, ils ont ce genre de maladie à cause de ça. Donc, il faut faire attention. Ouais, mais ils ont chaud. Oui, là-bas. Oui, c'est comme les mecs dans le désert, ils ont chaud. Mais effectivement. Bon, est-ce que c'est un kiff pour autant? Bon, Lionel, il n'y a que ça qui t'a saoulé? Bah, c'est déjà pas mal. Hein. Merci, Lionel. Je t'embrasse, je te fais un gros bisou, mon Lionel. À bientôt, porte-toi bien. Il y a quelqu'un d'autre qui sonne en ligne 2 ou pas? C'est tout jaune. Tu me le mets? Merci beaucoup. Bah oui, pas de soucis. Bah évidemment, pas de soucis. Passion, il peut voler, il peut aller dans l'autre sens. Hein. Il peut partir dans... Je te parle, Guy Claude. Oui, je sais que t'es au téléphone. Oh, je suis le mec, c'est mon standardiste. Je regarde, il fait excuse-moi, je suis au téléphone. Oui, c'est ton métier. Là, je suis occupé là, d'accord. Non, mais si elle n'est pas prête, elle n'est pas prête. C'est bon. Aude, en Moselle, comment ça va, Aude? Ça va et toi? Ça va très bien, ma belle. Qu'est-ce qui t'a saoulé cette semaine dans l'actu? Ah, le remaniement, on dirait Dallas, mais on Bah oui. Dallas. C'est demain matin, normalement, je crois, c'est ça? Mais tous les jours, elle repousse. Je sais pas, j'arrête d'être sûr. Mais elle a raison, tous les jours, ils disent c'est demain. Parce qu'ils n'ont pas trouvé. Moi, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui disent non. Mais oui. Ils sont en désaccord. Ah ouais, aussi, doit être ça. Je crois qu'il y a des gens. Il y a des gens qui refusent. Bah, je crois qu'entre ceux qui refusent, ceux qui n'ont pas les fesses propres, parce que maintenant, vous savez que dès que vous êtes ministre, il y a un article qui sort le lendemain. Ouais, il a fait travailler sa fille, sa femme, son cousin, son beau-frère. Il a refait la toiture pour pas cher, etc. Dès qu'il y a des mecs qui ont des petits bouts de dossier, bah, ils peuvent pas les prendre. Faut prendre des gens clean de chez clean. Ah bah. Oui, qu'il y en a pas. Donc, si vous voulez prendre des gens clean, faut pas qu'ils aient fait de politique avant. C'est ça, voilà. Déjà, pour démarrer, hein, parce qu'il y a toujours un petit truc. Sur un dossier. Un dossier qui traîne. Un rond-point, t'as touché de l'argent dessus? Non, si, peut-être un peu. Mais bon. Un chouïa, quand même. Oh, si, ouais, bon, peut-être. Mais t'as raison, c'est vrai que c'est long. Et alors, et surtout, je vais être honnête avec vous, je connais déjà pas les ministres actuels. Ah, on est d'accord. Oui. Je connais Jean-Michel Blanquer, qui est le ministre de l'Éducation nationale, parce que c'est celui qui a fait le plus de choses. Ouais. Je connaissais Nicolas Hulot, le nouveau, aucune idée. Je connais Brune Poirson. Oui. Qui est la secrétaire d'État chargée de l'environnement. On connaissait Colomb. Parce qu'elle est magnifique. Donc voilà. C'est Gérard Collomb, parce que j'avais un truc mémotechnique qui était Colomb, ministre de l'Intérieur. Voilà. Oui. Donc tu vois, fouille rectale, Colomb, intérieur, bon, ça y est. Monsieur rectal, monsieur Colomb. Voilà. Et les autres, je ne les connais pas. Ah, ministre des Armées, vous savez qui c'est? C'est Rambo, je crois. Pas du tout. Non, ça c'est. Mais pas du tout. Chuck Norris. Schwarzenegger. Voilà. Vous savez tout ça? Non, je sais. Non. Ministre de la Santé. Michel Simès. Docteur House. Docteur House. Surfait ton gouvernement. Michel Simès. Bah, je suis dit. Vous savez, ministre de la Culture. Jacques Lang. Non. Jules. Non, mais. Jules. Oh mon Dieu. Non, mais enfin, chaque fois, j'ai une erreur quand je le dis. Je dis Leslie Nielsen, mais ça, c'est l'acteur. Non, mais c'est l'acteur. C'est Brigitte Nielsen, c'est quelque chose comme ça. Brigitte, c'est la femme de Rocky. Eh ben, c'est un mélange entre Leslie Nielsen et Brigitte Nielsen. C'est Madame Slinsen. Brigitte Nielsen. Mais je crois qu'elle va partir. Voilà, on les connaît pas. Donc, faites-nous vite un nouveau gouvernement avec des gens connus. Non, on connaîtra personne. On connaîtra personne, ouais. Parce que là, ils cherchent les fonds tiroirs. Philippe Chabès, t'as la bouffe, tout ça, tu mets des gens qu'on connaît. Voilà, tiens, pour parlant de bouffe. Grâce à nos amis de Memphis, on avait dit qu'on arroserait le public, n'ayez pas peur, de nourriture, de boissons. Faites entrer, s'il vous plaît, la nourriture pour le public. Comme ça, pendant la pub, ils vont manger. Et on sera de retour dans un instant, on aura le Coé sans charge. Je vais essayer, allez-y, pour tout le public, pour tout le monde. À tout de suite, on revient. Faux stars préférées reviennent tout à cœur. Hello everybody. Le 10 novembre.

lately, I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. Even though I might not like this, I think that you'll be happier, I want you to be happier. Then only for a minute, I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. Ce soir, dans moins d'une demi-heure maintenant, je vais prendre les platines et on va se faire les 10 dernières minutes de l'émission où je vais mixer. Si vous habitez Bordeaux, rendez-vous le 19 à 19 octobre, c'est vendredi prochain, juste après l'émission. Bim, je prends un avion, rendez-vous à Bordeaux, à la plage de Bordeaux. On va se faire une énorme soirée où je vais prendre les platines si vous habitez Bordeaux. Donc vendredi prochain, soyez là et je fais un gros bisou à la plage. Enfin, c'est l'un des plus beaux clubs de France, ça va être magique. Je vais être dans le Nord aussi dans pas longtemps. Oui, à Loison-sous-Lens. Voilà, dans un. Le 17 novembre. Ça s'appelle comment ? Ça s'appelle Merci, le Purple. Jeff. Bon, je serai là-bas, donc on va aller dans pas mal d'endroits, on va aller se balader. Tu viens de l'inventer, non ? Non. C'est vrai de vrai. Et puis voilà, donc je vais aller selon l'agenda, j'irai mixer dans plein d'endroits de France comme ça pour faire la fête avec vous. Et à chaque fois, c'est un truc de dingue. Je continue avec les quelques mots les plus fous laissés par les voisins. Ah oui. Quel public, on n'a plus rien à branler de nous. Ils sont en train de bouffer, donc on les entend plus. C'est fou, hein, on vous donne un club sandwich. Coco, il est là, on rien à branler. Mais non, je peux prendre ton bacon. Qu'est-ce qu'il dit, gros? On s'en fout. Tu veux parler moins fort pendant qu'on mange? S'il te plaît, tu nous déconcentres. Tu manges pas ta dinde? Donne. Qu'est-ce qu'il a dit? Oui, on va applaudir. Ouais, voilà, bravo, top. Ils applaudissent. Bon, on va remercier nos amis de Memphis qui nous ont ramené tout ça. Et c'est pas fini, il y aura peut-être du dessert tout à l'heure. Ah bon? Oui, mais pour ça, il faut finir son assiette. C'est comme à la maison. Il faut écouter Coco quand il parle. Je ferai une interro. Si vous avez suivi un truc de l'émission, je vous donne un mic check. Une bonne réponse à mic check. Bon, sinon, je vous lis quelques messages. Faites-vous soigner, séparez-vous, déménagez, mais surtout arrêtez de nous faire chier semaine et week-end. Bonsoir. Ça, c'est pour un couple. Il y en a un autre. Bonjour, j'habite au premier étage et j'aimerais qu'on arrête de vomir sur ma fenêtre. Merci. Si possible, s'il vous plaît. Merci aux dindes du quatrième étage d'apprendre le respect de ses voisins et de la mettre en sourdine lors de leur prochaine soirée karaoké. Sympa. Message à la Castafiore nocturne du troisième étage. Si on était dans The Voice, je voterais pas, tu ne te mettrais pas dans mon équipe. Pardon. Chers voisins, notre capitaine de gendarmerie part à la retraite et ça se fête. Merci de nous excuser pour les nuisances sonores à venir. Pas besoin de prévenir la police. C'est nous. C'est génial. C'est sur place. C'est le meilleur. Ah, et puis il y en a des longs. Je dirai ça peut-être tout à l'heure avant la fin de l'émission. Le mix tout à l'heure. On va passer un bon moment ensemble. J'ai le temps de faire quoi, Stouff? C'est toi qui dirige cette émission. Coé s'en charge. Coé s'en charge. Je ne sais pas du tout de quoi on va parler. Je vais le découvrir avec vous. Cédric habite en Alsace. Ouais. Tu es où en Alsace, mon ami? Je suis à Strasbourg. Ah, tu sais que c'est. Je rêve de venir vous voir pour le marché de Noël. Chaque année. Tu sais quoi? Et chaque année, je veux le faire. Et chaque année, ils me foutent des trucs dans mon agenda qui m'empêchent de le faire. Je crois que c'est. Oh, mais ça, c'est pas sympa, là. Moi, je veux te voir. Hein. Non, mais attends, tu regardes bien. Je vais y aller. J'ai deux One Man à Rouen. Oui. J'en ai à Lille. À Lille. Et avant, t'as un autre mix aussi. Et je suis à l'étranger. Voilà, on est bien comme c'est ça. Fini. Voilà. Mais je vais essayer de venir. Je vais descendre du train. Je viens. Oh, c'est très beau. Hop, Allez, je repars. Je repars avec un pretzel. Et puis on est heureux. C'est combien de temps? Du vin chaud aussi. Mais c'est pas loin maintenant avec le train. C'est 1h45. Ouais, c'est ça. Ça va très vite. C'est fantastique. Le marché de toute l'Alsace. Pas que Noël. Parce que c'est pas forcément le plus beau. Il est très commercial, celui de Strasbourg. Oui. Mais il y en a. Mais il y en a dans toutes les petites villes autour. Non, franchement, c'est magnifique. Ça fait un an que j'ai déménagé sur Strasbourg, là, et c'est vraiment magnifique. Bon, en attendant, tu nous appelles pourquoi? Qui tu vas balancer? Raconte-moi. En fait, c'est ma copine, en fait.

tes yeux. Sans un signe, plus rien de nous deux. Je reste digne même si ça fait mal quand t'es pas là. Je sens ta main posée sur la mienne et le son de ta voix qui traîne. Je n'ai plus le goût de rien quand t'es pas là. Je n'ai plus rien à perdre, rien à gagner. Je n'ai plus de peine, plus rien à pleurer. Rien c'est déjà trop, tout me semble faux. Quand t'es pas là, ça ne compte pas. Quand t'es pas là, toi. Pour mentir, tout me ramène à toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je ne sais pas faire. J'ai beau sourire quand on parle de toi. Je ne sais pas. On est sur Énergie, le mix dans un instant. Je prends les platines et je mixe en live sur Énergie. Faites venir notre camarade du son. Il va falloir mettre du son partout dans le studio. Ah, il est arrivé, tu es là. Il est là. On est en train de distribuer des mix chèques à tout le public. Et là, maintenant, je vais distribuer du bonheur. Je vais distribuer un voyage pour aller faire un tour Route 66 aux États-Unis grâce à Memphis. Amis, on a eu des tas de photos avec le hashtag Koé et Énergie et Memphis. J'ai une demoiselle qui fait le. Qui fait le grand écart devant le jukebox. J'ai des mecs qui dansent. J'ai un mec qui s'est fait chier à faire route 66 avec ma tête. Je ne sais plus. Lequel choisir, hein? Plouf plouf. Ce sera toi. Route 66. Je ne sais plus. J'ai choisi là. J'ai choisi. Ok. M'appelez cette demoiselle. Dépêchez-vous, il nous reste 2 minutes. Et après c'est le mix. D'ailleurs c'est pas une demoiselle, c'est une famille d'après ce que j'ai vu vite fait sur la photo. Tu ramènes la photo, t'as le numéro. Hop. J'ai le prénom, j'ai tout. Où est Jeff? On appelle Jeff. Dans les donuts. Il est dans les donuts. Allô, Lauriane. Oui. Bonjour, je m'appelle Koé. C'est pas vrai. La réaction. Comment ça va, Lauriane? Ben ça va super, et toi? Mais ça va bien, y a qui à côté de toi? Alors, il y a mon petit mari, et puis il y a mes 4 enfants, du coup, Valentin, Alexandre, Élise et Mélissan. Ils sont surexcités. Mais pourquoi ils sont excités comme ça? Ils sont excités parce qu'ils savent, parce qu'en fait, voilà. Parce qu'en fait, vous vous dites que peut-être que vous allez gagner. Oui. Ah, ça y est, vous pensez que déjà la route 66, les États-Unis, c'est pour vous? Bah, on se dit pourquoi pas. Bah oui, vous habitez où? Oui, Valentin, il s'y voit trop déjà. C'est vrai, et eh ben ça tombe bien. Je vous invite, et Memphis surtout, à traverser les États-Unis sur la route 66. Pour 4 personnes, les amis. Énorme. Vous allez partir en famille aux États-Unis. Mais c'est un truc de folie, ce jour, j'en prends de partout. Je vous fais un gros bisou. Ne raccrochez pas. J'embrasse tous les enfants, parce que visiblement, vous en avez une 75. J'embrasse. Merci. J'ai entendu. C'est le meilleur, je crois, j'entends. C'est mignon. Gros bisous, tout le monde, je vous embrasse fort. Bon week-end, grâce à Memphis, vous avez gagné le voyage aux États-Unis. Restez là, dans 3 minutes, le mix. Vous êtes dans votre voiture, vous êtes chez vous à la maison. Montez le son, on va se faire un truc de ouf. Je vous préviens, j'ai envie de tout déchirer aux platines dans 2 minutes et en live. Les plus gros hits à la maison.

Juliette, avec les super pouvoirs d'achat Leclerc, le jeu Call of Duty Black Ops 4 débarque le 12 octobre chez Leclerc au prix de 51,69€. Papa, tu me cries dessus là. Un jeu comme ça, à ce prix-là, dès le jour de sa sortie. Ok. Profitez des super pouvoirs d'achat chez Leclerc. Du 12 au 13 octobre, le jeu Call of Duty Black Ops 4 pour PS4 et Xbox One est à 51,69€. Disponible en ligne et en magasin, voire modalités et magasins participants sur www.culture.leclerc. C'est ça, les super pouvoirs d'achat Leclerc. Jeu violent, déconseillé aux moins de 18 ans. Mylène Farmer. Après 6 ans d'absence, elle revient enfin sur scène dans un lieu unique, Paris La Défense Arena, pour 6 concerts exceptionnels. Mylène Farmer en concert à partir du 7 juin 2019. Ouverture de la billetterie demain à 10h, uniquement sur mylenefarmer2019.com. Conforama, le confort pour tous. Quand en plus de recycler votre ancienne literie, on vous offre 50€ de remise pour l'achat d'un matelas plus sommier d'un Lopilo ou Simons. On pense à tous ceux qui ont besoin de changer de literie. Et à vous, qui allez mieux dormir. Conforama, jusqu'au 22 octobre, conditions magasin et sur conforama.fr. Je crois que vous m'entendez. Je crois qu'on est en live sur Énergie. Est-ce que le public est en forme? Bichette, mets-nous le jingle version raccourcie, c'est vendredi soir et c'est 8 minutes de mix. Vous êtes bien heureux. Détendez-vous. Vous entrez dans une autre dimension. Dimension. show you my tipsy, let me in. My God. C'est là-dessus que je vous souhaite un bon week-end. Attention, on y va. C'est la fin presque. Bon week-end sur Énergie. On va revenir lundi. Je vous laisse avec toute l'équipe du Rico Show. Bon week-end, soyez prudents. Rico, je t'embrasse, je n'entends rien. Donc yes. On ne peut pas se parler. Je te fais un bisou. Bisous à tous. Bonne soirée. Ciao, lundi. Coé revient lundi sur Énergie. 3, 2, 1. Le Rico Show. Salut à tous, je m'appelle Aymeric Bonnery, mon surnom c'est Rico, et vous venez d'atterrir dans le Rico Show. Jusqu'à 23h, le Rico Show. Le Rico Show. Sur Énergie. Yes les amis, on est parti pour 3 heures de pur délire. C'est vendredi et j'ai la connerie les amis. Autant vous dire qu'on va se régaler. Dans 10 minutes, on va se faire le casting de Sarah. On caste des phénomènes hein, qui veulent devenir des grandes stars. Et ils pensent avoir affaire à un célèbre producteur, Brian McDonald. Il n'en est rien, on va les piéger, ça va être complètement ouf. Le bail du jour dans une minute, vous allez voir, il y a du très très lourd. Et puis les news arrivent et on parlera des non-dits. Ça y est, il y en a marre. On va tous dire dans le Rico Show. D'ailleurs, vous débarquez 0870 42 48. On lit tout aussi sur Twitter, hashtag Rico Show sur Énergie. On va s'écouter Kygo. Que Black. In My Mind. Et Eddie Le Préto. Tu seras viril, mon kid. Tu compteras tes billets d'abondance. Comment elle va, ma Sarah ? Bonsoir à tous, bonsoir Rico. Je t'ai vu caster le canular qu'on va se faire dans 10 minutes. La nana, je sens que c'est une perle. Ah, tu m'as vu, je l'ai préchauffé. Et franchement, alors c'est pas une perle, c'est ce soir, je vous le dis, pour cette dernière, on a un phénomène. Ouais. Non, mais un phénomène. Franchement. Cathy, vous allez halluciner. Vous restez pas, vous êtes des ouf. Il y a un tunnel, arrêtez-vous. Ah oui, c'est grave. Ne rentrez pas dans le tunnel. Je vous le dis, il y a un tunnel, tu t'arrêtes. Oh oui. Ça klaxonne, c'est pas grave. Je vous le dis. Ça va mon tombeur? Ami du soir, bonsoir. Oh là là, celui ce soir il sort d'ailleurs alerte rouge, vous le savez comme tous les vendredis. Planquez vos nièces, vos sœurs, vos mères, vos filles, tout. Vos chiens. Il est sorti et il a la dalle là. Ah ouais, là c'est le week-end arrive forcément là. Oh putain, c'est la grande régalade. Il a sorti les mocassins, tu sais, avec les petits glands. Hein, là je peux te dire que quand il est sort celui-là, c'est pas pour rien. Ça va morfler. Comment il va JM? Écoute, ça va super. Il y a la belle famille qui vient ce week-end. On va essayer de faire bonne impression. C'est tout va pas bien. Vrai. Ouais, ouais, c'est cool. Ouais. Et tu sais quoi? T'es raccord avec le bail du jour, rien n'est impossible. Eh, écoute, voilà. Peut-être que tu feras bonne impression. C'est le bail du jour. On se fait un bail, tout le monde va en parler. C'est le bail du jour sur Énergie. Les amis, Pierre Serditch a réalisé vraiment l'impossible. Vous connaissez la médecine? Ouais. Quand on veut justement devenir médecin, faut faire l'école de médecine, la faculté, etc. Ouais. Vous loupez toujours votre première année. Grave. C'est d'office. Je sais que JM, ta sœur est Toubib. Et elle faisait 6h, 23h tous les jours. Ouais. Pas dimanche, pas un samedi. Et elle a quand même retapé sa première année. C'est ouf, hein. C'est ouf. Et aujourd'hui, elle est Toubib. Elle est Toubib, au bout de 10 ans. Hein. Le gars, il sortait d'un bac pro, d'accord, bac technologique. Ouais. Non, c'est un bac pro d'ailleurs. Et il est arrivé, les amis. Il s'est inscrit à la fac. La fac, j'ai dit, monsieur, ça va pas être possible. Vous allez pas faire médecine. Vous avez un bac pro. Ça va pas coller cette histoire. Il a dit, si, je veux le faire. Et il l'a fait. Non. C'est vrai. Aujourd'hui, il a réussi sa première année de médecine. Mais la première année, les amis, alors qu'il a pas un bac S, il a rien. Il a réalisé l'impossible. Il a été classé 94e sur 200. Wow. Énorme. Alors n'écoutez pas les gens. Les gens qui vont vous dire, ouais, ça marche pas. C'est si, c'est ça. Je trouve que c'est formidable. Et rien n'est impossible. Le tombeur. Bah avec un bac pro plombier, tu peux y arriver, un médecin. Ah oui. Pourquoi? Bah c'est un peu de la plomberie, la médecine. Je viens de me faire soigner chez toi. C'est vrai, attends. Un coude, un truc, un soudage, c'est un peu ça. Une soudure. C'est un peu la même chose. Hein. Et ouais, la brosse à dents, c'est comme les brosses à chiottes. Hein. Ça se voit quand tu rigoles de trop. Hein. Je peux te dire qu'au fond, c'est noir pareil. Hein. Il est neuneux celui-là, je te jure. Non, mais c'est un beau message comme quoi faut persévérer. Moi, ça me fait penser à une histoire, hein, Rico. Toi, t'as commencé dans une cave. C'est vrai. Pas pour les raisons que tout le monde pense. Avec ta frangine d'ailleurs. C'est vrai qu'on a commencé l'émission, nous, dans une cave. Dans une radio associative. Ouais. Et puis on est venu sur la plus belle des radios. C'est ouf. Avec vous. Incroyable. Pour kiffer. C'est ouf, c'est vrai. Rien n'est impossible. On en parle. 0870 42 48. Le canular du jour arrive. Kygo. I know I've given up 100 times before. But I know qui pense.